son de Son of Legend à l'instant avec Blues en direct là jusqu'à 23h. Soyez bienvenus tout le monde. Jusqu'à 23h, Alex libre antenne sur Radio Mix Floor. Allez, welcome tout le monde. En tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Ça fait grave plaisir de vous retrouver en ce début de semaine là. L'émission s'appelle Alex Libre Antenne. On est là comme chaque soir en tout cas. On se fait. Bah, tiens, on va démarrer dans quelques instants avec le coup de gueule de Jojo évidemment. On a plein de bonnes choses évidemment à vous dire. Ce soir, le retour du Avez-vous vu Chantal. On appellera une femme tout à l'heure, une vieille dame, et on demandera si Chantal elle est là. Voilà, en tout cas, dernièrement, à chaque fois qu'on a eu toujours de la chance, hein, c'est toujours bien tombé. Surtout la dernière là, on s'est fait passer avec le saucisson, etc. Là, c'est... J'avoue que c'était bien parti. Ouais, elle était marrante. Ouais, voilà, elle était marrante, effectivement. Bon, en tout cas, on est là ensemble. Il y a le retour de Ben qui est avec nous ce soir. Alors, je sais pas si Ben il est là. Bah, à mon avis, on m'entend dans le couloir. Mais Ben, voilà, Ben il va parler avec nous. Il était cherché à manger pour nous. Voilà, il était chercher des bons petits kebabs. Voilà, c'est bon, Ben. Ça va, Ben? Ça va et toi? Ça va très bien. On l'entend bien, lui. Ouais, je vais baisser son micro parce qu'il est un peu trop fort. C'est parce que hier, on a fait des réglages. voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mais son casque est pas branché. Ah bah ouais, bah faut brancher. Bah écoute, il fallait pas le débrancher. Hein. Ah bah c'est bon que le débrancher. Je suis jamais à cette place. Hein, donc, qu'est-ce que t'es malhonnête, toi? Ah, non, c'est vrai, j'avoue. Là. Je suis jamais à cette place. Bah, dernièrement, jeudi, c'était qui était à cette place-là? C'était ah bah, c'était Alba. On l'a débranché parce qu'il savait peut-être que en début de semaine c'était toi. Hein, qu'est-ce que je te dis? Bon, bah, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. Bon, on va démarrer tiens, par le coup de gueule de Jojo. Tiens, 21h10 en direct là. Coup de gueule phénoménal là, parce que ça me saoule. Il y a un truc qui m'énerve là actuellement sur les réseaux sociaux. Ouais. On a pu voir le phénomène parce qu'on va arriver bientôt sur la période d'Halloween. Et Halloween, forcément, c'est une période où les enfants vont aller chercher des bonbons dans les rues, etc. etc. Et là, on a des bandes d'enculés, de clowns de merde qui font encore ben, la misère un peu partout et qui essaient de faire peur aux gosses. Donc il y a beaucoup de gosses qui disent ben ouais, on a peur, on n'ose pas sortir, etc., ouais. etc. Moi, c'est un truc qui m'énerve de voir des enculés pareils. T'es malhonnête, toi. Ouais, mais là, je suis vraiment très en colère parce que je vais t'expliquer d'utiliser les clowns pour faire peur. Je rappelle quand même que on fait les clowns dans les hôpitaux. Ouais. Donc voilà, ils ont qu'à faire quelque chose de mieux que de faire chier leur monde sur Facebook. Alors il y a eu, t'as vu, toi t'as commenté aussi toi sur le truc des clowns, toi. Toi je t'ai vu, si t'as commenté. Mais c'est des fakes tout ça, dit... je comprends pas, on a non, parlé mais c'est, ouais, peut-être que c'est des fakes aussi, mais je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Facebook et qui regardent quoi. Ah bah oui, bien sûr. Il y a toujours des gogoles et des cons qui vont s'amuser à se déguiser en clown et aller faire peur devant les sorties d'école. Ça, je trouve ça un peu honteux. Alors si vous voulez faire quelque chose d'utile, déguisez-vous en clown, allez donner un petit peu de bonheur aux enfants hospitalisés, par exemple, ça sera déjà quelque chose de bien. Ouais. Ah, c'est voilà. Ton coup de gueule. Là, c'est vraiment. Mais là, franchement, je suis vraiment vénère parce que j'ai commenté moi le truc, hein, ouais. En disant que c'était des. Donc, ça a été repartagé, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est des gros enculés. Voilà, pour qu'il et l'autre, il se fout de ma gueule derrière. Ben, il rigole, il se fout de ta gueule. Ouais. Pourquoi mais... Ben? C'est toi qui as créé ce truc. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. Et ton coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur. Ah, t'as pas de coup de cœur. Non. Rien cette semaine pour le cœur de Jojo qui a balancé son cœur. Il n'y a rien du tout qui a balancé mon cœur. Ah là là, voilà. En tout cas, merci de passer la soirée avec nous. Tiens, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il rigole? Attends, il se tape des barres, on va lui savoir ce qui se passe en direct. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, il sert. Attends, allumez le micro à Ben. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Bah, rien, pourquoi? Ah, si, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi on va rigoler? Mais non, parce qu'en fait, vu que j'ai pas trouvé de verre, je lui ai servi un verre de coca dans une tasse de café. Ah, d'accord, une tasse de café. Alors, il trouve ça marrant, ils sont contents. Tout le temps. Mon pépé, il s'est mis un verre de coca. Avec des petits chats. Ah, ouais, il y a des petits chats. Ah, t'as la même. Ah, regarde. Et il est content. Par contre, ça sent tout sauf du coca. Ouais, c'est pas du coca, ça. Ça sent plus la vodka, ça. Attends, rigole. Non, ça sent la règle. Ah, c'est la Red Bull, ça va nous donner des ailes. Ça. Red Bull, des nezels. 50, c'est un sondage qui a paru aujourd'hui. 51% des Français préfèrent leur chien ou chat plutôt que leur ami. Qu'est-ce que vous pensez de tout ouais, ça? Ouais, je l'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que. Pour moi, c'est fidèle. Les gens. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de potes, copains, copines. J'ai compris animaux, qu'il y a beaucoup de potes chiens et chats. On sort en bas des fois. Et leur chien ou leur chat, et ben, c'est comme leur bébé. Hein. Ah bah oui. C'est donc faut comprendre. Je sais pas, vous avez pas regardé hier, c'était quoi 7 à 8 là? J'ai regardé quand je suis revenu la radio. Je regarde pas la télé moi. 7 à 8, ouais, sans blague. Bah tu devrais. Mais 7 à 8 là, il parlait des clones. Il clonait en fait des chiens et des chats. Et là, attends, combien il dépensait? Je crois que c'était 80 000 euros. En fait, en gros, leur chien il est mort. Leur chien il est mort. Bah, pardon. Apparemment, le Red Bull il est fort. Mais c'est du Red Bull. Ça, le Red Bull est un peu fort. T'as un peu trop dosé sur le Red Bull. Mais c'est pas grave. C'est... Attends, je vais goûter si le Red Bull est fort. Il m'a donné des ailes. Et pourtant, on n'est pas jeudi, c'est pas la soirée des défis, quoi. Non, mais attends, attends. J'avoue, je l'ai dosé parce que vous m'avez fait courir. Hein? Bah, j'avoue, je l'ai dosé parce que vous m'avez fait courir. T'as dit que t'allais te remettre au sport, on t'encourage. Ah, bah alors. On t'encourage. En tout cas, tu me permets de dire que ta chemise, il faudra que tu la changes la prochaine fois parce que. Ça fait un. Ouais, une léopard. Chemise bleue avec léopard. Le truc, on dirait cougar. Oh, on dirait cougar le truc. Ça attire les cougars. Hein? Ça attire les cougars. Ouais, bah, attends, ça attire que dalle parce que t'es célibataire. Ouais. À chaque fois, il dit ça, mais pour finir, il est célibataire. Pauvre malheureux. Tu cherches toujours l'amour ou pas? Bah oui, il est encore mis sur Facebook. C'est qui la meuf que tu m'as parlé sur Facebook là? Une personne. Non, bah, moi je suis transparent dans l'émission, personne. Je dis tout ce qui se passe. Moi. Personne. Hein? Personne. Ah, c'est ça. Ma gueule. Bon, allez, reste avec toi. En tout cas, on se fait le son de Calvin Harris qui débarque dans quelques instants, moins de 3 minutes avec My Way. On se fera, tiens, la question du soir, si vous êtes pour ou contre le téléchargement légal. D'ailleurs, je t'ai pas demandé si ton week-end s'est bien passé, Ben. Oui. Oh là, j'ai fait que je voulais. Ouais, carrément, ouais. Oh, j'ai fait du patin en glace. Voilà. Oh, bah, samedi, ouais. Avec la reine des neiges. Voilà. Oh, hier, j'étais chez moi avec une pote. Ah, ah. Ah, qui? Ah, c'est pour ça qu'il rigolait. Qui? Qui? Qui? Bah, personne. Bah, bah si. Bah, j'ai si. Pas... En plus, elle écoute, je crois. Donc ah, je vais pas dire. Bah, alors, je peux pas être content d'entendre une dédicace à la radio. Non. Pourquoi tu l'as mal baisé? Non, j'ai rien fait avec. T'as fait touche pipi, tu l'as embrassé avec la langue, French kiss? Non, j'ai rien fait avec. Ah, t'as rien fait avec? Non. Tu tournes ma gueule. Tu fais quoi une après-midi qu'une meuf, toi? Bah, on regarde un film. De boule. De boule, t'as regardé quoi? T'as regardé, quoi hein, t'as regardé t'as quoi vu la pécho? Hein? T'as vu de la pécho? Non. Je suis sûr que t'as regardé 50 nuances de Grey. Ouais, carrément. Non, j'ai regardé un film d'horreur. Oh, bah rien. Ah, regarder 50 nuances de Grey, ça va te permettre, tu vois, avoir une excitation derrière. Et... J'ai pas besoin de regarder 50 nuances de Grey pour faire ça. Hein. Ouais, bah excuse-moi, tu. Bah, ouais, bah enfin, tu devrais parce que là en ce moment, tu fais pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah et tu te plains assez sur Facebook quand même. Non, mais cette meuf-là, t'as envie de la pécho? Elle s'appelle comment? Bah, dis son prénom, on va pas dire son famille. Bah, c'est quoi sa première lettre? Ouais. Son prénom? C'est. C'est. Céline. Camille. Camille. Chantal. Ça commence. C'est qui alors? Vas-y, dis. Ouais, bah, si, c'est quoi son c'est prénom? C'est quoi la deuxième lettre? Ça va, on a envie de suivre l'évolution de. Elle s'appelle Clara. Ah, Clara. Oh, Clara. Ah, oui, c'est ça, c'est la meuf que tu me parlais, ouais, Clara, ouais. Tu m'as dit j'ai envie de la baiser. Ouais. Ah ouais, tu nous l'as dit tout à l'heure dans le bureau. Non, j'ai pas dit ça. Le mec, il vous fout la merde. Ouais. T'as envie de te faire baiser, là. T'as envie de te faire baiser. D'accord, bah écoute. Eh ben, on est content que Clara et toi, vous avez regardé un film d'horreur. Ouais. C'est réciproque, en tout cas. Ouais, t'as essayé de la pêcher, non? Non. Il n'y a même pas eu la main autour. Tu fais ramener une meuf chez toi, gros. Passer un dimanche après-midi à regarder un film d'horreur, gros. Tu vas le faire croire que quand tu fais ça par amitié. Prends pour un con. Arrête. Ouais, mais c'est parce qu'elle écoute la radio. Non, mais bah non. Je m'en fous. Pourquoi tu tripotes le micro? Non, il s'est rien. Bah, ici, il y a eu un bisou. C'est bah, voilà, un quand bisou. On gratte un peu, on sait un petit peu. Un bisou où? Sur le pénis. Je suis sûr qu'il y a dû avoir autre chose que non, ça. Non. Aujourd'hui, il est joyeux, il est rasé. et tout, regarde. C'est plus même homme. Il a mis une belle chemise. Enfin, excuse-moi, la belle chemise. On va pas mettre de son père. Alors, on va tout ça. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu d'autre. Je suis sûr, on va avoir des infos bientôt. Bon, on voit la pub là. Non, mais ça va, on a le temps. Clara, si tu nous écoutes. Envoie-nous un message. Ouais, on a envie de savoir tout ce qui s'est passé. On veut savoir. Juste un bisou. Bon, ouais. T'es con, on aurait pu mettre la langue et tout le bordel quoi. Ouais, mais un bisou qui a duré combien de temps? Bah, le film il a dû durer 1h30. Le reste de l'après-midi, ils ont dû se bécoter. Non, bah ça. Non, c'était, ça s'est passé pas. Ta mère elle était là? Non. Elle était pas là. Il y avait personne, tu vois. Ah. Ah, l'autre. T'as baisé. Ta mère elle écoute. Ah, c'est pour ça qu'elle écoute sa mère. Elle écoute. Non, mais ma mère, il fait des trucs derrière votre dos. Sur Facebook. Ma mère, elle le savait que je ramenais quelqu'un. Ouais. T'aimes-tu faire baiser, là? Putain. Sans reprise. Bon, bah, restez avec nous, en tout cas, en direct, là. On va tout savoir, là, sur la relation de fête. Ouais. Restez avec nous, là, jusqu'à 23h, on est là. On s'envoie Calvin Harris, My Way. Reste avec nous, là. C'est Alex Libranten. On sera le top ou flop. On sera le canular également du jour. On sera le jeûne des 5 mots. Donc, reste avec nous. Ça se passe ici jusqu'à 23h. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi. Tomb Raider, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain. Tomb Raider, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs.

Alavesson Joe. Merci de passer la soirée avec nous jusqu'à 23h. On est là, on se débute de semaine, c'est lundi soir. En tout cas, bon courage à tous ceux qui partent travailler là ce soir. Et évidemment, bonne soirée, bonne nuit à tous ceux qui partent se coucher. Il y a des boulangers qui vont se coucher maintenant parce que à 3h ils sont debout, même avant. Donc en tout cas, bon courage à vous et bonne nuit. On est là jusqu'à 23h. Il y a Ben qui est avec nous ce soir. Et puis il y a Fred qui est avec nous. Il y a Jojo qui est avec nous. Ça fait bizarre que tu l'appelles Fred. Ouais, je sais pas pourquoi je l'appelle Fred. Parce que j'étais sérieux cet après-midi, on a bossé et tout. Parce qu'on a déjà joué, je l'appelais son vrai nom en fait. Du coup, Jojo, excuse-moi, qui est avec nous ce soir. Du coup, on essaie de travailler le dossier sur la copine. Sur Clara. On sait déjà c'est qui. On sait déjà c'est quelle Clara. Maintenant, je lui ai envoyé une invitation via Facebook. Donc ça serait bien. Il est au courant, il apprend en direct. Comme ça, il apprend en direct, c'est bien, ça lui fait. Ça serait bien qu'elle m'invite, qu'elle accepte l'invitation. Et donc voilà, du coup, ça serait sympa. Et j'ai des messages, moi, qui tombent, mais alors hallucinant quand même. Ouais, deux. Des amis qui commentent les statuts et ceci et cela, quoi. Et alors ? Et je voudrais juste faire. Je vais pas dire le nom de la personne parce que je veux pas, mais juste que j'ai oublié la crème chantilly dans son frigo. Donc, qu'elle ne l'utilise pas ce soir pour faire les 50 nuances de degrés. Voilà. Ça, c'est pour Ben. Mais, merci, merci. Voilà. Dédicace en tout cas. On se fait un point foot, évidemment, la France qui joue ce soir en match ami. Non, c'est un match qualification pour la Coupe du Monde. Alors, il gagne combien là ? Il gagne 1-0. Ah, ben voilà, la France qui gagne 1-0, ça fait combien de minutes là ? 37 minutes. Ah, t'as remarqué qu'on devait avoir le match en fait à la base ici ? Mais bon, putain, non, mais c'est en deuxième mi-temps, c'est à quelle heure la mi-temps là ? C'est dans 10 minutes. 10 minutes, bah. Ouais, dans 10 minutes. Ouais. Donc ça reprend 45, bah. 45, vous aurez l'écran. Et c'est Pogba qui a marqué. Ah, Pogba. Bon, voilà, tout à c'est fait. On fait évidemment le canular, oublie pas, comme chaque lundi, hein, le week-end c'est pas fini. Alors, Willy qui sera avec nous tout à l'heure à 23h pour Rapid Dance, l'émission numéro 1. Évidemment, chaque lundi soir avec les dernières nouveautés, on est les seuls à vous offrir ça, les dernières nouveautés. Avec Willy, ce sera tout à l'heure entre 21h et 22h, entre 23h pardon, et minuit. Mais avant ça, le canular du jour, c'est très très simple pour prendre des morceaux de film. Et on appelle pour cela des endroits, évidemment. Alors, pour le coup, on a pris les morceaux de films de la Tourment Palace Infernal. Vous connaissez tout bah oui. Très bon film, j'adore. Bon, ouais. Eric Hamzy, franchement, bon, ouais. Par Hamzy. Contre, je sais pas si vous avez vu le 2. Il est nul. Il m'a pas fait rire du tout. Hein. Oh. Ouais, c'est on revient pareil comme on disait avec les visiteurs, etc. etc. Moi, par contre, je sais pas pourquoi, mais Bryce Dennis, moi je vais aller le voir. Ouais, moi aussi. Moi, je le sens pas. Ah, moi j'ai mal à voir en tout cas. Moi, je le sens pas. Tu l'as entendu On ferait écouter peut-être que je l'ai pas encore en playlist, mais là, la musique de Big Flo et Oli, la bande originale est pas mal, j'aime bien. Mais je le sais pas, je le sens pas. Ouais. J'attends de voir. Et ben voilà, en tout cas, la tournée passe à la finale. Le deuxième était dégueulasse, mais en tout cas, le premier était bien. Et pour cela, on a pris des morceaux de film d'Eric, évidemment, qui appelle une salle de sport. Parce que vous le savez, dans ce film-là, il se fait passer pour un mec qui est en pleine muscule, il se fait passer pour Rambo. Quoi. Oui. Et du coup, pour cela, on a appelé une salle de sport. On écoute en direct, c'est parti, 21h25, c'est la libre antenne. On est là, on bouge pas. Station Fitness, bonjour. Allô ? Oui, allô ? Le caca, c'est délicieux. Effectivement. Est-ce que je peux vous renseigner sinon ? Oui. Ah, alors à quel sujet ? Non, je vais vous expliquer en fait, il dit n'importe quoi. C'est parce que je suis actuellement un programme de musculation qui m'a coûté quand même 3200 francs, faut pas déconner, et qui devrait me permettre d'ici environ 6 mois de soulever l'équivalent d'une Austin Mini à main nue. Ah bah putain, oui, bah faut le garder, hein. Même pour 3000 euros, faut le garder ce programme. Hein. Ça doit être génial ça. C'est peut-être un programme difficile à prononcer ça, mais en attendant, mes bras, c'est du bacon. Ça c'est top alors. Ah ouais, je veux bien vous croire. Normalement je soulève 30 kilos en développé couché. 30 kilos c'est énorme, mais ça fait des années d'entraînement ça alors. Attends quoi, moi je suis maigre? Mais non, j'ai pas dit ça, 30 kilos c'est bien en développé couché. Mais tu comprends pas ce qui se passe ou quoi là? Tu vois pas là? Tu vois le pistolet là? Tu vois le barbu là? Tu vois ton rouge là? Tu vois ton sang qui est donné? Y'a pas quelque chose qui te dit, quelque chose qui est bizarre là? Tu dis pour qu'on se barre, on appelle la police, on se barre. Moi je crois qu'il faut arrêter les produits parce que là ça devient dangereux. À mon avis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es parfaite toi, c'est ça? Non, je suis pas parfait, mais là je crois que tu pètes un câble. Je te préviens, je me contrôle plus. Ah oui? Eh ben viens à la salle. C'est moi qui décide, hein? Ah ben y a pas de souci, mais venez, ce serait sympa, comme ça je vous ferai visiter et puis on pourra essayer d'établir un programme qui coûtera moins de 3000 euros. Je soulève 30 kilos en développé couché, hein. Et ben aujourd'hui, et pas plus tard qu'hier, et Dieu m'en donne la garde que je vais les attraper un par un et leur buter leur gueule à tous leur gueule. Ouais, là je crois que ça devient dangereux. Donc faut vraiment arrêter les protéines ou les choses comme ça. Je sais pas ce que tu prends, mais... Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh ben rien, mais je trouve ça génial, moi. Je trouve ça génial. Des gens qui sont investis comme vous, ça peut être... c'est super. J'ai mon deuxième cours de force pure ce soir, tu crois quoi? Je vais pas perdre mon temps ici. Allez, au boulot. Bon, oui, mais j'imagine bien. Bon, mais ça n'empêche pas de passer. Quand est-ce que vous êtes disponible pour passer à la salle? Faut venir nous voir. Oh, c'est bon, on perd du temps, là. Eh ben oui, ben, allez, ben, c'est comme ça, on boira le café et puis on fera le tour de la salle. Tu rentres pas dans ce petit jeu-là avec moi, sinon on en a jusqu'au bout de la nuit. Hein. Ça va vite me saouler, hein, ton petit jeu de gamin de 6 ans. Ouais, j'ai l'impression que ça va être long, mais moi, c'est pas grave, ça m'amuse, j'aime bien. Secrètement, enfin, on a toute une partie dans nous deux. Je suis peut-être amoureux de lui, quoi. C'est... Oh là là, je pense que sa vie doit être forcément très difficile, à mon avis. Comment je l'ai bien baisé. Écoute, moi je te conseille de venir faire un petit peu de relaxation. Je pense que ça te ferait du bien. On a un cours de relaxation là. Je pense que ce serait terrible. C'est marrant ça. Nous en force pure, c'est balèze, mais c'est pas axé sur la douleur comme vous. Nous on est plus dans le stretching, l'aérobic, du trampoline. Ah ouais, du trampoline. Ouais, trampoline ça va être sympa pour la force pure. Oui, je pense que ça va être super efficace ça. Je suis inscrit à un programme de force pure ou non? Eh ben, ça veut dire que je suis habilité à intervenir en cas de danger. Ah, génial. Ah ben, ça peut servir alors, du coup. Et vous faites quoi, alors, comme métier? Moi, laveur de carreaux de père en fils. D'accord, alors, laveur de carreaux, alors. D'accord, très bien. Bah écoutez, oui, on pourra vous faire un programme, justement, exprès pour les laveurs de carreaux. Ça pourra vous aider à prendre de la force pure. Ok. Ah ben, parfait. Bon, alors, on se voit quand, alors? Demain, après-demain? C'est moi qui décide, hein? Eh ben, d'accord. Bah alors, c'est quand? Comme on dit chez nous, hein, para bailar la bombe. D'accord. Bon, bah, ça me dit pas quand est-ce qu'on se voit, alors. Oh, puis tu me saoules, on se voit. Bon, bah, tant pis. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser, parce qu'après, je vais avoir du monde aussi à l'accueil. Je vous dis à bientôt. Mais par où on va descendre? Les ascenseurs, ils sont bloqués, madame. J'aime pas les PD. Voilà. Allez, à bientôt. Passez une bonne soirée. Et bah, voilà. Eh bah, pas mal, hein, finalement, ce canular, là, toi, en passe. En tout cas, t'as envie de te faire baiser, là. Laveur de carreaux de père en fils. Trouvé moins rigolo. Ah, pourquoi? Moi, j'ai trouvé moins rigolo. Oh là là. T'es jamais content, en fait. Ouais, non. Jamais content. Non, bah, c'est mon coup de gueule, là, encore. Non, moi, j'avais bien aimé. Non, j'avais bien aimé. C'était celui avec le Pôle emploi. Ah ouais, avec Dark Vador, là. Dark Vador, ouais. Et puis l'autre, l'office de tourisme. Voilà, mercredi, il y aura mieux, t'inquiète pas. Bon, ouais. Reste avec toi, en tout cas, on est là jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. On se fera le jeu des 5 mots avec. Tiens, Jojo, là, ce soir. Ah non. Ah non, je fais déjà Chantal, donc c'est mort. C'est vrai qu'il fait déjà Chantal. Non, je fais Chantal, donc c'est mort. Je fais pas le jeu des 5 mots, c'est trop facile pour moi. Bah, je le ferai. Reste avec toi, en tout cas, on se fait Black M, la grosse bombe, Askip. On est là ensemble jusqu'à 23h, bougez pas. Welcome. Le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.P. Askip, le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Askip, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Askip, je suis revenu pour tout rafler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font Zarma mais m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. Ça met le forum sur Bouska. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par. par Booba. Moi j'attends mon chèque, mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non messieurs, je ne suis pas un loupard. Mais d'abord dis leur que quand on tire on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fois les poupas. J'ai que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon troussa. Et on dit que je suis dans ma folie. Oh. Oui, on dit que je suis dans ma folie. Oh. Oui, on dit que je suis dans ma folie. Le groupe is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Hey, des boîtes, ce sont le tout nouveau Black M à l'instant avec Askip. On est là ensemble jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit. Merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Bougez pas. Il y a Ben et des Jojo qui sont toujours avec nous en direct. On se fera le top ou flop. On se fera également la question du soir. Si vous êtes pour ou contre le téléchargement illégal, et ben voilà, en tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça. La minute gaming, les infos insolites avec Ben tout à l'heure. Yes. Et ben voilà, et puis un petit point foot. La France toujours 1-0. Toujours. Toujours. Non mais toujours. De toute façon, c'est toujours. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on sait? Bah, parce que on le suit sur Facebook. Il y en a qui le mettent direct en direct. Et si ça fait plus que 1-0, tu payes ta bouteille. Tout de suite. Je vais payer la bouteille. Et puis c'est une bouteille. On va appeler Clara. Le bon fût. Ouais. Non, mais c'est la mi-temps. C'est pour ça que je te dis, ça fait toujours 1-0. C'est toujours 1-0 pour qu'est-ce qu'il y a. Ah, bah tu mets le foot après. Hein, tu mets le foot. Oui, je mets tout le foot là, il me casse les couilles lui. On n'est pas là pour regarder le foot. Ouais, hein. On est là pour faire la libre antenne, les gars. Je m'en rappelais plus qu'il y avait le foot, sinon je serais pas là. C'est ça. Et alors avant ça, on va faire le Avez-vous Chantal parce qu'on appelle en début d'émission. Évidemment, sachez que c'est très important, Avez-vous Chantal pour nous en tout cas. On appelle les petites personnes âgées, voilà, on s'en excuse d'avance. Et notre but c'est de trouver Chantal dans le lot. Voilà, en tout cas, on essaie de demander si Chantal est là. Généralement, ça part en vrille. On va voir, on appelle le premier numéro. S'appelle. Josette. Josette. Ça y est, c'est Josette là. J'arrive à le dire. J'ai un nuage. Parce que vous êtes une île. Allô? Oui, Josette. Oui. Oui, bonjour. Chantal, elle est chez vous, s'il vous plaît. Chantal? Oui. Ah non, ils sont pas à la maison, non. Ben, ils sont. Elle est où, Chantal? Ah, je sais pas. Elle doit être chez elle, je pense. Hein. Bah, parce que. Bah, non, bah, elle m'a dit de rappeler chez vous parce qu'elle faisait un apéro dînatoire chez vous. Ah, non, non. Bah, si, parce que c'est ce qu'elle veut. C'est des nouvelles de. Frigo. Allez-y. Frigo, c'est des nouvelles de Chantal. Alors, en plus, là, on est en train de mentir, on dit qu'on n'est pas là. Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous avez Chantal, elle n'est pas chez vous? Chantal qui? Ben Chantal, ma tante. En fait, c'est Fred. Et elle m'a dit qu'elle était chez vous en train de faire une soirée apéro. Et le problème, je vous explique, c'est qu'elle est partie avec la jambe de bois de René. Ouais, ben écoutez, qu'elle garde la jambe de bois de René? Non, mais là, si elle est chez vous, moi, elle m'a donné le numéro là. Hein. Je suis bien chez Josette. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais c'est Fred. Ouais, donc c'est bien ça. Donc c'est Fred. Donc je sais pas quoi faire en fait, je suis un petit peu embêté donc problème, c'est que... écoutez, essayez de récupérer René puis essayez de récupérer Chantal comme ça, si vous récupérez Chantal vous récupérez la jambe. Ben René, je l'ai avec moi hein. René, ouais. Il est à la maison mais le problème c'est que Chantal elle est partie avec la jambe de bois. De René. C'est très grave. Elle reviendra, vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Parce que vous habitez René. Ouais. Ah, elle couche avec. Elle couche avec René en plus hein. Bon ben écoutez, si vous voyez Chantal, vous lui dites qu'on la recherche, c'est hyper important. Ok, pas de soucis. Bon, merci beaucoup. Envoie un message directement, tout de suite. D'accord, merci. Qu'elle me rappelle, qu'elle rappelle Fred. Hein. Ok. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah, pas mal. On appelle Evelyne. Evelyne. Ah, Evelyne, tout suite en direct. On continue là, bienvenue Chantal avec la jambe de bois. La jambe de bois de René, ça fait toujours autant rire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh putain de merde. La jambe de J'expliquerai bois de... pourquoi je dis ça en fait, hein, aux auditeurs la prochaine fois. Ouais, ça marche. Allô ? Bonjour, vous êtes bien chez monsieur et madame Durand Pascal. Ah, oh, bah c'est madame, monsieur Durand Pascal Evelyne. Ah, ouais, c'est ça. C'est qui là ? Nadine. Nadine. La jambe de bois. le mec a suivi direct vu que c'était une couleur. Mais j'en suis sûr qu'il doit écouter. Le... Nadine ! Non, non, c'est on appelle Marie-Françoise maintenant. Oh putain, et moi je note des noms. Ouais, on est en direct. J'espère que ça va répondre. Allô ? Oui, Marie-Françoise. Oui ? Oui, bonsoir, c'est le neveu à Chantal. Elle m'a laissé votre numéro de téléphone parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait une soirée actuellement chez vous. Enfin, qu'elle était passée chez vous, en fait, là, actuellement. Elle m'a demandé de vous rappeler, de la rappeler, en fait. Écoutez, vous vous trompez parce que vous... Chantal, j'ai pas de Chantal autour de moi. Bah, écoutez, madame, vous êtes bien Marie-Françoise. Oui, mais je suis pas madame, j'ai pas de Chantal et je fais pas de soirée ce soir. Non, mais elle peut-être pas de soirée, mais peut-être boire le café, je sais pas. Hein, mais elle m'a dit qu'elle était. Ah non, moi j'ai personne à la maison. Bah moi, elle m'a dit qu'elle regardait 50 nuances degrés chez vous. Je regarde jamais la télévision, monsieur. Bah je sais pas. Moi, elle a pris. Elle a pris. Un malentendu. Non, mais elle a pris la crème chantilly que j'avais acheté ce week-end, que j'avais eu chez ma cousine Hélène, que j'avais mis dans le frigo, donc elle l'a pris. Et donc, du coup, elle est venue regarder chez vous. Elle a raccroché, elle a raccroché, putain, salope. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ombres sous son blâme. Geneviève. Elle provoque des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes scores. Geneviève. Allez, on a fait Geneviève. Arrête. Allô ? Oui, bonsoir, Geneviève, elle est là ? Est-ce que ? Allô ? C'est qui ? Je suis le neveu à Chantal, une amie à Geneviève. Le neveu à Chantal ? Oui, une copine à Geneviève. En fait, elle m'a donné le numéro de Geneviève pour la rappeler. Ben, je vous la pense, mais... Vous êtes sûr ? Ah bah oui, bah si, elle vient juste de m'appeler en fait pour me dire qu'elle avait un problème de téléphone portable et de la rappeler, en fait Geneviève. Je vais lui faire passer un message, donc du coup, elle est en train oui, de dormir. Oui, bonsoir, Geneviève ? Oui. C'est le neveu de Chantal. Elle m'a demandé de vous rappeler pour vous donner un petit peu des nouvelles, elle a eu un problème avec son téléphone. Bah, attendez là, parce que je comprends pas. Quelle Chantal ? Bah, Chantal, ma tata. Celle qui a écroné. Vous savez, celui qui a une jambe de bois. Vous devez vous tromper là, hein. Je ne connais pas de Chantal. Ah, bah si, vous êtes bien Geneviève. Moi, c'est le numéro qu'elle m'a donné. Je suis Geneviève, mais je connais pas de Chantal. Bah, quoi faire, elle m'aurait menti. Moi, elle m'a bien donné votre numéro de téléphone. Elle dit appelle Geneviève. Elle me dit de vous demander si vous n'avez pas la jambe de bois. À René. Moi, je comprends plus là, rien, non, je comprends pas. Vous avez dû faire une erreur. Hein. Ah bah non. Non, moi c'est bien le numéro qu'on m'a donné. Geneviève, appelle Geneviève de la part de Chantal. Oui, bah je suis désolée, excusez-moi, mais je connais pas de Chantal, donc je vous dis une bonne soirée. Au revoir. Bah au revoir. Oh la connasse la meuf. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. La sœur est belle, tu forces la mise. Je chante de On va arrêter d'avoir. La dernière tentative, on l'appelle Yvette. Yvette la crevette. Yvette. Allô. Allô Yvette. Je suis contente. Allô. Allô. Allô Yvette. Allô. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Il y a la télé. Allô Yvette. Oui. Oui Chantal, elle est chez vous. Oh, vous vous trompez le numéro. Hein. Ah non, si vous êtes bien Yvette, la copine à Chantal. Non. Avec René.

son dos. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son dos. Elle voulait juste des papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son dos. Elle a quitté le foyer. Et tu l'as cherché, mais elle avait son dos. Allez, bonne soirée, leçon de disque à l'instant, enlevez son Joe. Enlevez son Joe. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantenne sur Radio Mix Floor. Floor, floor, floor, floor. Everybody! Allez, bonne soirée à tout le monde, merci d'être avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. En tout cas, ça fait bien plaisir. On se retrouve en début de semaine. On est là avec vous hein, pour passer la soirée. Bon, en tout cas, pour vous détendre avec un peu de foot ce soir. Il y a du foot. En fait, ils jouent contre qui en fait le foot, Mister là. Les Pays-Bas. Ah, les Pays-Bas là. Il faut pourquoi savoir. Parce que tu l'as pas mis là. Hein. Tu l'as pas encore mis. Ça arrive là dans quelques secondes, le temps que la radio se mette. Attends, on n'est pas non plus. Ça va non plus. Voilà, en tout cas, avez-vous Chantal au top là ce soir Ouais, bah en fait, t'as vu combien de fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes que tu m'as fait appeler. Et alors? Je suis content, toi. Bon, c'est la minute insolite avec notre ami Benny. La minute insolite tout de suite avec les infos insolites du jour, évidemment. T'écoutes. Aujourd'hui, un tracteur qui date de 1967 s'est fait flasher par un radar à 130 km/h sur les routes suisses italiennes. Ah ouais? Et c'est vrai ou c'est une connerie? Parce que c'est généralement des fois les radars ils font des fakes là. Non, c'est vrai. Et de base le tracteur il roule à 167 km/h. 130. 130. Et de base le tracteur il doit rouler à 25 km. 25 km. Bah ouais, donc c'est pas possible en fait, c'est un fake du radar. Bah je sais pas. Bah, c'est... Ça arrive souvent ça, tu sais, que les radars ils prennent en photo, tu sais, genre un endroit et puis t'es même pas là en fait. Les gens ils se plaignent. Ça arrive quand ils donnent des mauvaises plaques. Souvent, hein. Ils mettent des mauvaises plaques en fait. Mais ça tombe, c'était même pas c'était une fausse plaque et puis Ah en fait c'est ça parce que des fois en fait il suffit que c'est tout con mais tu fais une fausse plaque avec par exemple ta voiture à toi et tu je vais te faire flasher sur autoroute, c'est toi qui vas prendre un bande. Hein. C'est ça en fait le délire. Il a pas de voiture de toute façon. Non mais pas, imaginons. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais ouais ça arrive donc Donc voilà en tout cas. Et bah message passé alors. La suite. Dans le Missouri, un homme a entendu miauler en passant à côté d'une décharge de bois. Et pendant 7 heures, il a cherché ce que c'était en fait et il a retrouvé 6 chatons coincés sous les rodins de bois. Ah ouais? Ouais. Et il en a fait quoi? Ils ont mangé des genoux, ils ont mangé. Il l'a donné au serpent, je sais pas, mais. Oh non, non, bah c'est bien. Bah ouais. Merci. C'est vraiment pas trop insolite ça. Ah bah écoute. Moi j'ai entendu miauler. Je sais parce que moi je prépare l'émission et je sais sur quel site il est. Insolite.com. Non. Ouais. Allez. Donc, vas-y. Dernière info. Vous avez entendu parler du pigeon qui s'est fait arrêter? Non. Si, moi, ouais. Non. Ouais, ils ont fait une polémique parce que, en fait, en gros, c'est un pigeon. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un message de mort ou je sais pas non, quoi. Non, pour des dealers de drogue. En fait, pour éviter avec les téléphones portables, ils ont pris un pigeon voyageur. Ouais. Ils ont fait passer un message d'un dealer de drogue, enfin un autre machin. Et du coup, le. Non, ouais, c'est ça. Non, j'ai une connerie, ouais. Un message, ouais, pardon, toi pour moi, d'un pays à l'autre. Et vu que c'est le pays en guerre. Ah, et oui. En fait, du coup, ils ont retenu le pigeon et en fait, ils l'ont emprisonné. Ils l'ont mis en garde à vue, le pigeon. Ouais. Donc, il a parlé. Il a parlé de pigeon. C'est vrai parce qu'en fait il fait passer des messages et tout et du coup bah c'est pas de sa faute au pigeon malheureusement mais du coup il a été arrêté ce pigeon. Et du coup des internautes se sont mobilisés pour défendre le pigeon et le faire libérer. Ah bon. Voilà, donc ils sont libérer le pigeon pour le manger avec des petits pois. Ah, voilà, voilà. Enfin donc, c'est vraiment con. Hein. Ouais, voilà. Carrément. En tout cas merci pour ces infos insolites. On voit de que rien. C'est recherché. Ah, t'as vu évidemment passé la soirée avec nous. Eh ben, en parlant d'infos insolites, vous avez vu la balançoire hantée? Ah oui, j'ai vu la vidéo. Ouais. La vidéo, il y a le youtubeur qui a sorti hier une vidéo qu'en fait c'était du fake tout ça. Oui. Il a été la vidéo évidemment sur YouTube et c'est un youtubeur qui était sur les lieux donc c'est à Toulouse en fait le truc. Et du coup, il a été voir par rapport à la balançoire et du coup, c'est des conneries. Derrière, il y a un buisson et apparemment tous les fils ils pourraient être tirés. C'est du fil de crin. Ouais. Enfin, ouais, le crin de pêche. Tout ça, en fait. C'était du fake. Ouais. C'est foutu de la meuf. C'est foutu en plus, c'est dégueulasse. Meuf. Mais c'est foutu de notre gueule quoi. Donc, je sais pas, moi j'y croyais. Je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est vrai quoi. Mais c'est bizarre que la femme elle se rapproche pas de très près en fait. Ça m'a paru bizarre. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était du fake. Ouais, mais justement, si elle veut faire croire que c'est du fake, il vaut mieux pas qu'elle se rapproche. C'est ça le truc. Ouais. Parce que si elle se rapproche. Ah bah non, bah oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je me disais aussi que c'était bizarre, quoi. Donc voilà, en tout cas, bah merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. J'arrive pas avec le foot, hein, ça me fait galérer, le bordel. On s'en fout. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout. Non, on s'en fout. Mais oh, de toute façon, la France va gagner, hein, compris. Bah, qu'est-ce qu'on fait mais, eh, c'est les Pays-Bas en face. Hein. Oh, ça va, non plus. Bon, bah, c'est en tout cas de passer la soirée avec nous. On se fait. Bah, tiens, c'est quoi là? J'adore ce son là. C'est les chants de ton quartier, ça en plus. Ben l'a béni. Hein. Attends, c'est quoi? C'est quoi? Chai. Ouais. À l'instant avec PWM. En direct, évidemment, jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous là. Alex Tibantaine, en tout cas, ça fait bien plaisir ce soir là. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer. Santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Pussy money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Pussy money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Jeudi 21h 23h Alex Librantaine sur Radio Mixlore. Allez, merci de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, ça fait bien plaisir, on se débute semaine là, on est là ensemble, on bouge pas, il y a Ben qui est avec nous ce soir. Ouais. Alors on ouvre la porte du coup, il caille, on a Chouchou ouais. qui est avec ouais. nous en direct, là, bougez pas. Qu'est-ce qu'on s'y retient on va faire le... non, toi, Pouf-Flop, non, pas maintenant, attends un petit peu... Attends, j'arrive pas à brancher le foot à sa manière, le foot là, je voudrais brancher fout, mon smartphone là pour le foot. On n'oublie pas la soirée évidemment, Radio Mixlore à l'Inox Club, ça se passe évidemment le... 15. Le 15, donc octobre. C'est samedi évidemment, du côté l'Inox, rue de l'Industrie à Gravelines, si vous êtes du nord de la France en tout cas. Bah tiens, on va se parler la question du soir, si vous êtes pour ou contre le téléchargement illégal, voilà. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre, évidemment. Alors, beaucoup de réactions sur le Facebook, notamment le Facebook. Alors, pour ou contre le téléchargement illégal, alors je vais commencer, tiens, par toi, Jojo, est-ce que tu es pour ou contre alors, le téléchargement illégal? Moi, je télécharge, donc je vais dire pour, mais il y a un truc que... Je veux pas qu'on télécharge, c'est tu sais, tout ce qui est humanitaire. Tu sais, par exemple, les enfoirés, par exemple. Toi, moi, je préfère acheter. Bah oui, mais je préfère acheter le DVD que de télécharger. Tu vois ce que je veux dire? Après, si c'est des films et ceci, cela, bah oui, tout le monde le fait. Attends, il faut arrêter, quoi. Bah ouais, mais je télécharge de la musique, je télécharge de tout. Enfin, voilà, ou des logiciels, etc. Donc oui. Oui, je suis pour. Pourtant, il y a toujours la réaction là, en direct. Là, il y a Thierry qui dit pour. Cycliste, c'est une évidence. Pourquoi payer pour ce qui peut être gratuit? pour, on est bien content d'avoir des films gratos à regarder, pour Constance là, pour Alicia, voilà, donc Julien, alors je dis contre juste parce que tout le monde est pour, voilà, bon message en tout cas. Bah oui. Donc en tout cas ouais, évidemment, donc ouais, tout le monde est pour, évidemment, je vois les messages. Bah moi j'aimerais bien trouver la personne qui a posé cette question. De quoi ? Pour ou contre les téléchargements ? C'est moi qui l'ai trouvé, je t'emmerde. Bah t'es con. Hein ? T'es con. Bah non, mais c'est parce que... Bah c'est une question bidon. Mais non, c'est pas une question bidon. Tout le monde va dire pour. Bah non. Bah non, bah moi je suis pour, mais... Moi je connais un pote, je te jure que c'est vrai, je connais un pote, d'ailleurs, je pense qu'il peut-être écoute la radio, Antoine. Et Antoine, je te jure, la dernière fois je rigolais avec lui, il me dit ouais, tes musiques et tout, tu... Bah moi en fait c'est différent avec mon forfait, tu sais, j'ai Napster. Du coup, je fais pas de pub pour eux, il y a 10 heures. Mais en tout cas, moi, avec mon forfait, j'ai SFR, j'ai un Napster et du coup, je paye pas en fait. Du coup, j'ai toutes les musiques que je veux dans mon smartphone. Mais lui, par exemple, il achète tout sur iTunes. C'est-à-dire que j'ai dit, je suis ah ouais, ta playlist. Il me fait ouais, bah moi, j'ai sur iTunes. Je fais, tu les achètes. Il me fait bah ouais, je paye 99 centimes le son. Et il achète tout quoi. Et ça lui coûte grosso modo une trentaine d'euros par mois pour acheter toutes ses musiques quoi. Il m'a dit bah si, mais d'ici tout le monde. Bah il l'a pas critiqué moi parce que moi, je suis sur Napster. Mais il m'a dit si tout le monde téléchargeait également, on n'est jamais s'en sortir et tout. Bah ouais, après les gens n'ont pas forcément non plus tous les moyens pour la musique. Mais c'est vrai que quelque part, c'est lui qui a la bonne réaction. Ouais, parce ouais, que sinon, non, les artistes, c'est combien ils gagneraient leur vie aussi, tu vois. Bon, t'inquiète pas, ils attendent pas après nous pour gagner leur vie. Hein. Bon, sûr, si tu peux économiser. Gros, je pense à l'époque, moi j'allais acheter des CD et deux titres à marché, moi. À l'époque, avec le gars, je sais pas, moi, avant, tout le monde achetait son CD et deux titres au marché. Non, ouais. T'avais la version Chihuahua et la version instrumentale que tu pouvais chanter avant. Dessus. Mais regarde maintenant, tu trouves tous les titres de musique, même sur YouTube. Hein. Et tu peux les télécharger, voilà quoi. Mais t'as remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes qui font les clips, et les clips généralement ils mettent beaucoup de parler avant. Bah oui. Tu sais, comme ça on peut pas piquer la musique. En voilà. Fait, tu vois ce que je veux dire, parce que ça va être chiant. Parce que t'as moi ça me dérange pas, hein. Après je le coupe. Hein. Bah parce que tu sais le couper, mais il y a des gens, il faut le couper. Donc, bah je peux leur dire comment on fait. Hein. Hein, je peux leur dire comment on fait. Bah, hein. C'est simple, tu télécharges Audacity, tout bah le monde ouais, fait. Voilà. Ouais, mais bon, bref. Mais leur but aussi. L'artiste, évidemment, de vendre nos CD, mais c'est vrai que c'est plus à la mode maintenant l'artiste de dire prenez des singles les plus vendus, quoi. Ça marche même plus, ça. Et maintenant, c'est prenez du Shazam ou les trucs comme ça. Ah oui, Willy William. Mais il y a tellement de plateformes de téléchargement que. Bah, ça cause Internet, hein, quelque part, voilà. Ça cause Internet. Sans Internet, c'est. Voilà. Mais moi, non, mais même, c'est à cause d'Internet, mais sans Internet, les artistes, ils seraient pas connus. Ouais, ils étaient connus avant, avec les CD, excuse-moi, mais. On me dit qu'il y a, excuse-moi, mais juste deux secondes, on m'envoie des messages pour me dire qu'il y a un ultrason. Ouais, le truc que t'entends, ouais. Ouais, mais non, qui fait hyper mal aux oreilles à beaucoup de monde. Ah ouais ? Donc ils ont qu'à mettre des bouchons. C'est Joachim. Je l'entends aussi. Moi aussi je l'entends, mais bon, je la foutre. Tu vois, le gars écoute la radio, il y a ses oreilles qui sifflent. Il y a les oreilles qui sifflent. Bah, excuse-moi, petit gars, on peut rien faire, fuis. Hein. Ouais. Attends, c'est bien le seul. En plus, je crois que c'est ton premier fan, lui. Ouais, c'est mon premier. Ouais, j'ai su ça hier, en fait. C'est qui ça ? Joachim. C'est lui qui il est venu la dernière Joachim fois. Joachim Noah, là, ouais. Fils à Yannick. Non, c'est lui qui est venu, c'est la dernière fois ici, là, avec ses deux potes. Ah, le petit rebeu, là. Ouais, ouais, le petit rebeu. Le petit frisé, là. Petit rebeu, là. Ah, Mac and Peace. Et ouais, c'est, apparemment, c'est mon premier fan. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'en suis content. Et du coup, il va le baiser. T'es barré, là. Tu m'as pris pour quoi ? Connard. C'est lui qui avait lancé le défi qu'on devait s'embrasser tous les deux. Ah, bah, tu m'étonnes. Et il est content, lui, là-bas, gars, il est content. Gars, là, il n'a pas les dents. Donc, on peut rien faire pour le machin, donc voilà. T'as mis ça bizarre. Il commence à me branler, ouais. Oh, putain de merde. Non, mais du coup, pour revenir à ce chargement légal, moi, j'ai connu quand j'allais acheter au marché les CD, quoi. Je sais pas si vous avez tous acheté des CD au marché ou pas. Bah ouais, pour graver après. Mais quoi qu'il y a encore les CD qui marchent, hein, les CD des radios, des compiles et tout là. Ouais, mais tu sais qu'ils attendent pas après. Je te dis, ils attendent pas après nous parce que qu'est-ce qu'ils font les chanteurs ? C'est plus les concerts. C'est ça qui leur amène le plus de pognon. Ah bah ouais, les concerts, les bookings et puis. Et tu sais, même eux, ils mettent des moments des chansons en téléchargement libre. Ouais, donc ouais. C'est voilà quoi. Après tout, après, moi je paye un forfait internet, si je peux avoir tout ce que je veux, je l'ai quoi. Après moi je le cache pas, là, de cette semaine ou la semaine après, je vais m'acheter un album de rappeur. Hein. Je vais payer, mais au moins je l'aurai en CD. D'accord. Je pourrais le mettre dans ma Shinifi. On est content. Oh, on entend bien. Bon, ça va. Voilà. Mais bon. Ouais, moi, je me rappelle, j'ai acheté des CD au marché, j'étais content. Ça coûtait une blinde à l'époque, ça coûtait 5 euros, je crois. Enfin, 5 euros. 5 euros, j'ai acheté ça avec la version instrumentale, on pouvait chanter dessus, on était content à l'époque. Il y avait toujours un, je sais pas si vous avez connu, en tout cas, nous, dans notre ville, on avait un gars, je sais pas, il est, je crois qu'il est toujours là. Tu vois de quoi je parle. Tu vois de quoi je parle, je pense. Le mec qui vend des CD, là. Et que c'est même pas les vrais artistes. Ah oui, mais ça, on l'a, c'est dans tous les marchés de France, il y a. Le mec qui vend des CD et c'était même pas des vrais, c'est même pas des vrais artistes. Voilà. Et allez, tout le monde se faisait niquer, cromé comme allez, allez, merde. Venez chercher la compil de Patrick Sébastien, on fait tourner la quéquette. Bah oui, ça on l'a tous. Mais imaginons, en fait, c'était. En fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'était un gars. Ça faisait rien parce qu'il y avait le vrai mec qui vendait les vrais CD officiels de l'autre côté du marché. Puis t'avais un mec dans un coin, il a toujours été là. C'était les mêmes musiques, hein. C'était par exemple Amir, etc. J'ai cherché, mais sauf que ouais. C'était un mec, un artiste amateur qui chantait. J'ai cherché. Et le mec, il vendait au même prix le CD. C'est-à-dire que t'achetais le CD, imaginons 6 euros, le single de Amir. Bah lui, il vendait 5 euros. Et du coup, tout le monde est chez lui et tout le monde se faisait niquer. Parce qu'il croyait que c'était le vrai artiste. Parce que tu sais, tu fais pas attention avec la musique, le bruit du marché. Le mec il balançait juste des extraits. Il balançait pas la vraie musique tout au long, il balançait juste des extraits. Du coup, tu t'attendais des fois parce que c'est vrai que la voix elle était vraie. Mais quand tu déballais chez toi, laisse tomber. T'étais carrément déballé quoi. Il y a un pote, il m'a dit putain, j'ai acheté la compile des années 80 euros. Tu vois, je l'ai eu pour 10 euros en promo. Je suis ah bon, écoute, la voiture, gros, c'était la reprise des chanteurs cacahuètes quoi. Du coup, j'ai rigolé quoi. C'est fait niquer comme une merde. Et du coup, je crois qu'il est encore. Ce gars-là ou pas? Je vais pas au marché. Moi, il y a longtemps, je vais pas être au marché. Attends, le samedi matin. À la ZUP, il y est pas? Bah, non, il y est pas. Bah, ouais, mais c'est le dimanche matin, gros. Bah, excuse-moi, j'ai été dimanche, moi, matin. Ouais, bah, alors, excuse-moi, mais le dimanche matin. Non, je l'ai pas vu. Donc, peut-être, j'irai voir samedi, tiens. Je vais mener mon enquête. Ah, mais il va mener son enquête. Je vais mener mon enquête samedi matin au marché. Il est pas arrivé, toi, pas trop tôt, parce que samedi soir, on fait une soirée à Inox. Oh merde. Il faut que tu dors le matin. J'y vais à 11h. Gilles Verdez va mener son enquête. J'avais mené mon enquête. Tu l'as vu ou pas? Oui, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ben, on le voit même sur les braderies, tout ça. Hein. Ouais, ah ouais, il est là. Et... Ah, le mec, il sait d'escroquer tout. Il est là. Mais je sais pas si tu lui dis vraiment que c'est des musiques, c'est de la merde. S'il est vraiment. S'il va te dire la vérité, tout ça. Enfin, pas de la merde. Bon, je sais pas si gros, t'aurais vu vieux con que c'était. J'ai posé la question. Non, mais si tu lui dis, ouais, tes musiques, il va te le dire. C'est des auteurs amateurs. Mais je crois qu'il le cache pas. Mais c'est pas normal que le gars il vend au prix du CD vrai, enfin le vrai titre, qu'il vend le même prix. Après, c'est amateur. Les gens ils le demandent pas, mais s'ils le demandent, peut-être qu'il leur dirait. Bah oui, peut-être, ouais. Je sais pas. Ah oui, bah d'accord. Je vais lui demander. Ça s'entend. Je vais lui demander est-ce que c'est les vrais chanteurs. Ouais. Je te jure, samedi j'irai à 11h voir s'il y est. Fais un prank. Ouais, s'il y est, je te le dirai. Ah ouais, il y est pas tout le temps. Souvent il est en période de fête à Noël. Tu vois, par exemple. Ils vont laisser des Noël. Les CD de Noël ça passe encore. Non, c'est pas les CD de Noël. Quand tu vas faire la fête à Nouvel An, tout ça, bah, les gens ils veulent acheter des CD pour faire la fête. Ah ouais, ils vont les compiles. Voilà. Les compiles disco, écoute, les compiles de l'année 2016. Ils écoutent Radio Mixlor et puis voilà. Ouais, en plus, on est là le 31. On fait une émission spéciale, je me rappelle. La dernière avec Quentin, on a dû se taper le 31 décembre toute la soirée. 21h05 en direct, évidemment. Et cette année, on l'en fera, évidemment. Pas de soucis. Bon, les auditeurs, si on est toujours là. Je sais pas si je serai là. Non, mais rien à faire. En même temps, on parle à micro, c'est DJ qui mixe. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu peux danser. Bah ouais, connard. Ça veut dire reste à ta maison. Bah non, si tu veux, on fera un truc pour le 31. Pourquoi pas, on fera pour les auditeurs, on invitera des auditeurs. On fera ah, s'il y en a qui se font chier, gars. Ah bah, il y en a. Allez, 35 euros la place. Ah, ok, hein. Ceux qui se font chier, tu dois ramener des vieux 60 palais qui sont tout seuls sans famille et tout pour le nouvel an. Gros. Et donc, on va se taper les jeux déprimés de la ville, tu vas se prendre des tours en fin de soirée, gros. 35 euros la place, 2 sandwichs au pâté. Et une bière lef. Voilà, c'est ça. Allez, réservez dès maintenant. Ah, voilà, hashtag nouvel an. En tout cas, on peut vous dire que samedi prochain, on fait un tournoi de Play FIFA 17 ici au studio Radio Mixlor. C'est 5 euros l'inscription. Plus d'infos, évidemment, sur la page Facebook dès demain ou après-demain. Je sais pas. Sinon, ils m'ajoutent et je leur donnerai les infos. Ouais. Bah, déjà, on va essayer d'appeler Clara. Là. T'as eu le numéro de Clara? Non, mais arrêtez. Non, je suis sûr qu'il a dû envoyer un message. Je ne veux pas m'accepter. Pour ceux qui nous rejoignent en direct, Clara, c'est une meuf avec qui il a passé l'après-midi hier. Ben. Un film d'horreur. Ouais, putain, il a juste devenu un piou. Et c'était de quelle heure à quelle heure? Ouais. T'as resté de quelle heure à quelle heure avec elle? 14h30 à 16h30. Putain, ouais. Et 14h30 à 16h30. C'est le quart d'heure, à 17h, elle devait rentrer. Mais non, elle devait prendre le bus. Oh, le Gino. Ouais, c'est Picasso, bon, les bus, ils n'avaient juste que 20h. Tu me diras, attends, c'est toutes les heures. Ni Opal. Ah ouais, c'est vrai, jusqu'à 16h30, gros, c'est le dernier bus, c'est pas 17h. Elle habite où? Elle habite à Dunkerque, à Gravelines. Non, elle habite pas loin, là, en plus. Ah, bon, en plus, voilà, bah, quand elle a qu'à venir nous faire un coucou, tu vois. Bah, t'aurais pu la raccompagner. Non, elle est à l'internat. T'aurais pu la raccompagner. Ouais. Oh bah, gars, comment on va lui casser son cou, ça? Attends, l'enculé, il a pas voulu me raccompagner. Bah, non, mais je lui ai dit, elle voulait que je la raccompagne. Elle écoute là. Normalement, ouais. Ah, non, ouais. Elle t'a pas de nouvelles. Hein? Elle t'a pas bipé. Non. Clara, si tu m'écoutes, je t'ai envoyé une invitation via Facebook. Peut-être en train de te tromper avec un autre. Ouais, ah, peut-être. En train de te tromper avec. Bah non, mais elle peut pas me tromper, je suis pas avec. Hein? Elle peut pas me tromper, je suis pas avec. Bah ouais, peut-être. Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est pas ce qu'il nous a dit en moi, antenne. Dès qu'on baise, dès qu'on se claque un piou. Dès qu'on se claque un piou. C'est pas ce qu'il nous a dit en antenne. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai rien dit si. Du tout. Non, vous êtes des mythos. Pourquoi tu rougis? Bah, je rougis pas. T'as dit tu voulais te mettre en couple avec. Bah, écoute, ouais. Faut assumer. Eh, cassez-moi pas mon cou, les gars. Ah, c'est ça qu'il a dit. Ce qu'il a dit, bah, cassez-moi pas mon cou, les gars. Elle a dit ça, mot pour mot. Bah, voilà, on te le casse. Ouais. Non, bon, casse pas. Mais non, mais attends, pour t'encourager dans ta démarche. Ouais, bah, bah d'où, casse, gros. Clara. Franchement, la meuf qui écoute est en train de te dire, putain, je suis mis en avant la radio, il parle de moi. Et vas-y, fais une déclaration à Clara. Dis-lui, Clara, ce soir. Non, mais si on peut avoir son numéro. Si on peut avoir son numéro, puis qu'on l'appelle en direct, c'est encore mieux. Clara, elle donne son numéro, pardon, on va l'appeler. Non, elle donne son numéro. Non, je donne pas son numéro. Bah, pourquoi on va l'appeler en direct là? Non. Ah, si, tu fais de la radio. Bon, je suis bah, sûr que t'es con quoi. Je suis sûr, c'est elle est venue, elle a appelé la semaine dernière. Ah, bah ici. Oui, c'est vrai, je suis con. Tu te rappelles, celle qui a chanté C'est celle qui a chanté? Non. C'est pas celle qui a chanté, c'est. Non. Ah, bah, c'est celle que j'ai écoutée alors chez moi. Que vous êtes venu m'emmerder après. Ah, ouais, peut-être, ouais, c'est ça, mardi, ouais. Mais ouais. Ah, tu l'as vendu, tu l'auras bien vendu le truc quoi. Je suis animateur radio, tu me fais penser à quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, bref, ouais. Pour un producteur. Enfin, ouais. Mais tu, ça aura fait penser pour Romain. L'animateur. Romain Grandsart, producteur, organisateur, voilà. Et s'il nous écoute, oublie pas de nous envoyer des places pour l'Olympia. Hashtag c'est on a tous envie de venir. C'est con qu'on a pas son numéro à lui, mais putain, on l'a rappelé. En fait, pour ceux qui nous rejoignent en direct, en fait, c'est un gros mythomane ce mec. Il a fait The Voice Kids. Il avait créé une radio pendant un temps. Okay, la radio sur le net. Non, il a eu des problèmes avec une radio en plus concurrente. Oui, il y a des problèmes avec TF1 et tout, lui. Ouais, okay, merci. Il s'est passé pour un producteur, enfin plein de trucs. Bah, il me fait penser à quelqu'un. À qui? Dis, on balance les noms, nous. Attends, je sais pas si j'ai des vidéos de lui. Peut-être que je vais trouver des vidéos de lui. Si, mais il y a une vidéo, mais j'arrive pas à la voir là où il est en train d'enregistrer son émission. Sur YouTube, il y a une vidéo de lui quand il chante. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'on l'avait eu parce qu'on l'avait piégé une fois. Je joue, on t'entend manger les chips. Hein. Pardon. Oh, mais écoute, moi je suis. Ah ouais, Romain, ça, officiel titre. Ah ouais, ajouter. Ah, il y a sa chaîne YouTube. Attends, on va l'écouter en direct là, ce que ça donne. Ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Mon premier titre. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, 927 vues! 927 personnes qui se foutent sa gueule! Non, c'est les gens qui sont tombés par erreur! Ah, j'adore! Il y a 2 pouces qu'ils ont liké et 9 qu'ils ont DM. Ah, il y a le premier commentaire, c'est Teddy! Non! C'est pas lui! Si, c'est lui! C'est Si, ouais, c'est lui! C'est lui! Oh, ça va? En fait, ça va. Non, c'est lui qui a piqué la vidéo. C'est pas lui qui chante là. C'est pas ah, bah, c'est parce que je disais, ouais. Pardon. C'est pas lui qui a. Non, c'est pas sa voix du tout. Hein. Ah, non, c'est, je me disais. Non, mais il y en a une avec. C'est vraiment sa voix. Ouais. Mais je sais plus. Sa maladie, quoi, non? Je sais plus c'est quoi le titre. Oui, enfin, lui, il a tout. Il y a le cancer, la mucoviscidose, le sida, le pécole. C'est une musique qui nous reprise. Attends. Je pourrais plus te dire c'est quoi le titre. Quoi je crie. En fait, il s'est passé par un mec malade en fait. C'est pas lui hein, qui chante, hein, je te rassure. Ah bah mais c'est Grégory Marchal. Attends. Ah ouais, putain. Ouais, il... Normalement, Joachim, il l'a. Si vous pouvez nous la donner. Ouais, son numéro la musique. Ouais, Joachim nous écoute, il va nous donner. Ouais. Il va nous balancer le lien, tiens. Tu m'étonnes que Joachim, il écoute. Ah, Jojo. Normal, il m'aime bien, tu t'es fan. Il veut un autographe aussi. Je lui donnerai un autographe. J'ai envie de te caresser la chatte, là. Ah, c'est ça. Bon, allez, bonne soirée à tout le monde, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On se fera la minute gaming avec Ben. Il y aura également le top ou flop. On aura le jeu des 5 mois, on va s'appeler les hôtels. Donc, reste avec nous à 23h, n'oubliez pas. Il y aura le retour, comme chaque lundi, Rapid Dance avec notre ami Willy. C'est ici que ça se passe. Juste après la dernière bombe. David Guetta, j'adore ce son. On est ensemble, évidemment, pour ce début de soirée, évidemment. On est là ensemble, c'est lundi soir. Merci de passer la soirée avec nous. Allez, David Guetta, j'adore ce son. On est en direct hein, jusqu'à 23h. Ça se passe ici, là, tous les soirs du lundi au jeudi. Alex Libre Antenne. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Sur Radio Mix Floor. Et ouais, ça se passe comme ça évidemment jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, merci de passer la soirée avec nous. On est là ensemble, c'est le fil rouge de l'émission. Là, si vous êtes pour ou contre le déchargement légal, on a du foot ici. Finalement, la France elle a repris là ce soir. On t'écoute là-bas. La France elle a repris depuis un moment, je pense. Je mets mon application en route. Ouais, pas de soucis, mais sois au courant un petit peu. Fais des alertes buts, je sais pas. Merde, sois un petit peu au courant là, Ben, de ce qui se passe. Tiens, on va faire le jeu des 5 mots. On va toujours à 0. Ah, 0, les gars, la tête à Toto. Jeu des 5 mots tout de suite. On va faire. Alors, est-ce que je joue, est-ce que c'est Ben? Non, c'est toi, t'as dit. Non, c'est toi, t'as dit. Ouais, mais bon, ça me fait chier. Ah non, t'as dit. Je peux toi. Pas gérer et tout. On dirait, bon, bah. Vas-y, vas-y, mais je le fais, à ma façon sans dire les mots. Non. Ah, bah, je le fais pas. Bah, arrête. Mais non, putain, vous me faites chier. C'est toi qui as les meilleures capacités pour le faire ici. Capacités pour faire ce canular. D'accord. Alors, on va donner un mot. Bah, tiens, Ben, donne un premier mot. Attends, il va le noter sur son. Sextoy. Ah, c'était pas prévu. Hein, c'est comme ça. Sextoy, tiens. Allez, je vais dire un mot gentil. Je vais dire. Fellation. Non, mais putain. Poney. Je peux redire un mot ou... Non, mais bien sûr, vas-y. Fellation. Non, mais putain, lui, hors antenne, il dit non, t'inquiète pas, je vais donner des mots tout con. Machin, si tu le fiches, je donne pas des mots tout con. Tu sais, si t'as le numéro de Clara, on l'appelle en Clara. Bah, t'inquiète pas, j'attends toujours après ses nouvelles, mais t'inquiète pas. Je joue, il est là tous les soirs en direct cette semaine, donc demain on l'appelle en direct. T'inquiète pas, je vais la voir. Quand tu seras pas là, tiens. T'inquiète, je lui laisserai un message. Je vais déjà laisser un message. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Clara, si tu les écoutes, si on t'appelle, je promets, t'as ma parole, si tu réponds, je t'offre un cadeau. Ah oui. Non mais si, c'est vrai. Moi aussi. De la radio. Bah si, gars, j'ai donné ma parole. Et moi aussi, je lui offre un cadeau. Et je lui offre un cadeau de moi. Plus, moi aussi. Plus gonflable. Mais non, un saucisson. Non, je rigole. C'est bien, c'est bien. Un autocollant. Bah c'est bien. Non mais bon. On t'offre des cadeaux. Voilà. On dira pas quoi, mais on t'offre des cadeaux. On t'offre des cadeaux. Voilà. Bon, en tout cas, ça se fait bien. Sachant que Radio Mix Floor, sachant qu'il fait gagner des tablettes et tout sur Instagram. Donc peut-être que tu auras évidemment des beaux cadeaux. Peut-être que tu auras des beaux cadeaux. Donc en tout cas, voilà. Ah ouais, putain, cette semaine, on a des places à vous offrir pour l'Inox Club. Là, pour la soirée Radio Mix Floor. Eh ben, gars, Clara, tu pourras venir avec nous à l'Inox Club. Avec Ben. Elle est pas majeure. Oh, c'est con, hein. Non, mais ça va, elle a 16 ans, elle a plus de 16 ans. Ouais. Tu vas me dire qu'elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Ouais, elle a 13 ans. On sait, ouais. Bon, les mots là, s'il vous plaît. Ouais, bah, attends, deux secondes, là, je suis en train de. T'en as combien là, inox, là. Deux. Non, t'en as trois. Non, t'en as trois. T'as fellation en plus. Un mot de la part du public. Oh, mais là, t'as nous dit anatomie. J'arrive même pas à le dire. Anatomie. Attends, anatomie, je sais pas ce que je veux dire. Ton anatomie dans ton trou de balle. Quoi. Ça veut dire ça? Eh ben, le dernier mot, c'est trou de balle. Oh non! Allez, trou de balle, vas-y, vas-y, c'est bon. Attends, putain. Ah, Willy est chaud là ce soir. Il est pas là pour en écran, Willy. Bon alors. Sextoy, poney, fellation, anatomie, trou de balle. Okay. comment veux-tu que j'arrive à caser ça avec. C'est bon, t'as les 5 mots, c'est quoi? Ah oui, bah j'ai de le dire. Sextoy, poney, fellation, anatomie, trou de balle. Anatomie, j'arrive à le dire. Bah voilà, mais c'est parti, on appelle à l'hôtel. Ça veut dire quoi, anatomie? Dans ton trou de balle, quoi. Le saucisson, ça peut être pas mal, hein, l'animation saucisson. Ah, mais t'es tout. Hôtel Ibis, Perpignan, en centre, Rémi, bonsoir. Bonsoir, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Nous avons un congrès actuellement sur votre ville et on voudrait savoir si on aurait pu avoir une chambre d'hôtel ce soir. Enfin, on va arriver tardivement dans la nuit. Oui, oui, c'est pour combien de personnes, monsieur? Alors, ça sera pour 3 personnes, s'il vous plaît. Une seule chambre? Non, on va ah, d'accord. Attendez, ne quittez pas, je fais le tour parce que je suis du mauvais côté de mon ordinateur. Hein, bah ne quittez pas. C'est comme du côté de l'anatomie. Ça passe pas, c'est trop facile. Non, c'est pas d'accord. Voilà. Alors, donc il vous faut 3 chambres, en fait. Non, il va 2 chambres, donc un lit double. 2 chambres avec un grand lit chacune, c'est ça? Alors, oui, une chambre en lit double et une chambre en lit simple. Ah oui, d'accord, non, en fait, ça sera un grand lit aussi. Hein. C'est le même prix pour une ou deux personnes. La seule différence, c'est la taxe de séjour. Donc, d'accord. Bah, c'est donc comme c'est nous, quatre... hein, c'est comme la taille des sextoys, hein, parce que nous, on a plusieurs tailles, parce que c'est le congrès. Donc, C'est vrai qu'on a plusieurs tailles. Donc du coup, deux chambres, donc ça c'est bon. Donc ça sera Nathalie de ce côté-là. Ok, donc ça sera voir après. Oui, j'ai deux chambres, hein, si vous voulez. Vous pensez, les personnes arrivent vers quelle heure? Alors, à peu près écoutez, là, on a... À peu près, hein, c'est juste pour dire à mon collègue de nuit. Ouais, hein. À peu près vers minuit et demi, une heure. D'accord. Alors, je vais prendre des noms, ou au moins un nom, s'il vous plaît. Alors, ça sera à monsieur Anatomy. Anatomie, pardon. Anatomie, comme l'anatomie. Oui, comme l'anatomie. Excusez-moi, c'est le nom. Non, yes. C'est, à chaque fois, j'ose pas trop le dire. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est Eric. Eric. Eric Anatomie. D'accord. Très bien. Je vais prendre juste un numéro de téléphone portable, quand on a besoin de vous joindre, s'il vous plaît. Oui, 06. Oui. 59. Oui. 17. 17, oui. 43. Oui. 27. Vous 27, vous d'accord. 06, 59, 17, 43, 27. Je voulais juste vous demander, oui. Est-ce que vous avez un grand parking? Parce qu'en fait, on n'a pas de parking du tout, monsieur. Ah. On en a un, mais il est complet. On n'a que 22 places pour 102 chambres. Et là, il est archi-complet ce soir. Mais ouais. Vous avez pourquoi un grand parking? C'est quel type de véhicule? Alors, en fait, nous, on a donc un véhicule normal, hein, donc une Peugeot oui. normale. Et en fait, on a un véhicule avec une attache, vous savez, pour les poneys. Vous savez, les... Ah oui, alors de toute façon, ça ne serait pas passé chez nous, puisqu'il y a deux portails limités à 1m80. Non, mais c'est pas... Donc, on va le laisser sur place à côté de la salle. Donc, voilà. Donc ça sera... Donc, on sera deux véhicules, mais c'est pas grave. Parce que sinon, vous voulez absolument être au centre-ville, monsieur? Oui. Bah oui, parce qu'on est vraiment pas... Parce que pas sinon, loin. Vous avez l'Ibis Nord et l'Ibis Sud, où il y a des parkings gratuits et un nombre de places illimitées, ouais, mais c'est aux sorties d'autoroute Nord et Sud. Oui, mais on a appelé, ils n'avaient pas de place actuellement, quoi. Donc, du coup... Si, le Nord a de la place, je les ai eu au téléphone, mais bon. Ah ben, c'est ma collègue qui a appelé, donc après, je sais pas ce que... Voilà, donc ça, c'est pas grave. Parce que là, vous n'aurez pas de problème de parking, si vous voulez. Il est gratuit et sans limite de place, hein, et ni en hauteur, ni en largeur. Et voilà. Vous inquiétez pas, on va s'arranger, on viendra qu'avec un véhicule, on le laissera au niveau de la salle. Vous allez laisser un poney place de Catalogne tout seul, toute la nuit. Pardon? J'ai pas entendu, excusez-moi. Non, j'ai dit que vous allez laisser un poney. Non, c'est juste le véhicule, en fait. Ah, d'accord. Non, c'est juste la remorque en fait. Hein, il n'y a pas l'animal dedans. Non, il n'y a pas l'animal. Non, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Donc sinon, oui. Alors le nom, alors peut-être que ça sera, j'arriverai peut-être pas en premier. Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Ah, c'est mon téléphone, hein, j'ai un problème de réseau. J'arriverai peut-être pas en premier, moi, donc je vais peut-être vous donner le... Ah si vous avez les autres noms, donnez-moi les noms, il n'y a pas de souci. Vous allez rigoler, non, mais vous promettez, vous rigolez pas. Donc j'ai Martine. Alors c'est Martine. Martine. Attendez parce que je vais en entendre. Martine Fellation. Et allô. Oui, vous m'avez entendu? Très mal. Martine. Il y a du bruit autour de moi. J'entends très mal. Pardon. Excusez-moi. Je pensais que c'était moi avec mon réseau. Oh, j'ai un réseau vraiment de trous de balles, hein, parce que franchement c'est hallucinant. Donc voilà. Comment ça se passe pour... j'arrive, on paye directement carte bancaire sur place Oui, alors normalement, je devrais vous demander un numéro de carte bancaire en garantie, mais bon, l'hôtel n'est pas complet ce soir, donc c'est pas nécessaire. Si vous ne venez pas, on annulera votre réservation, il n'y a pas de souci. D'accord, non, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce qu'on ne pourra pas reprendre la route tout de suite. Fred. C'est pas possible. Oui, attendez, est-ce qu'on m'appelle Pour l'animation saucisson, demande si le collègue Étienne, s'il arrive en saucisson, c'est pas grave. Ah, donc j'ai mon collègue qui me demande en même temps... On a un problème pour se changer. Si on arrive en saucisson, prévenez votre gardien, quoi. Parce qu'on a un costume de saucisson, il pourra pas changer. Il n'y a pas de problème, on n'est pas secteur. Et on vous offrira du saucisson. D'accord, mais le problème c'est que je serai plus là, moi. C'est fort dommage. Hein. C'est pas grave, on vous le laisse pour vous. On vous D'accord. laissera, on donnera à votre collègue. Est-ce qu'il veut plus des snackies ou des vous préférez quoi, les petits saucissons ou les gros saucissons? Ah bah les gros, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, bah oui. Ouais. À votre avis. Tout le monde aime bien les gros saucissons. Moi, j'adore les gros saucissons. Hein. Bon, c'est quelle radio ou c'est quelle... Eh bien, écoutez, monsieur, vous êtes sur Radio Mixplore. Ah, c'est cool. Je le dis, moi. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Bonsoir. Vous n'êtes pas courageux, hein, parce que vous appelez en appel masqué. Hein. Ah bah non, c'est notre but. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est le standard qui veut comme ça. Courageux, mais pas téméraire. Ah, exactement, monsieur. Quel est votre prénom? Sympathique. Vous êtes fort sympathique, Rémi. Rémi, celui qui joue en Disney? Avec la souris, hein, Ratatouille. Mais non. Oh, mais je sais pas, moi. Cet homme, je pense qu'il en a on eu l'a jamais, assez. On ne l'a jamais fait. Hein. Ah, jamais, bah voilà. Jamais. Il faut le prendre à doux, comme on et dit. Et sans famille non plus. Hein. Ah là, là, ça, par contre, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, en tout cas, monsieur, vous êtes très, très sympa. Bah, profitez de faire une petite pub. Vous êtes en direct dans toute la France. Profitez de faire une pub pour votre hôtel. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc, bah oui, hein. Allez-y, monsieur. Faites une alors, je ne vais pas faire de pub pour l'hôtel. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que. Très peu de gens le savent, et ceux qui le savent s'en fichent complètement. Ouais, bon, c'est bon, on n'a pas le temps. Allez, bonne soirée. J'ai quand même casé les 5 mots. J'ai vu arriver avec un truc. Non, mais moi, je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Je suce le saucisson. Mais non, mais très peu de gens le savent. Je voulais entendre ce qu'il allait dire. C'est bon, non, bon, allez. Mais non, mais je savais ce qu'il allait dire. Je savais que les trucs, c'est pas bien faire ce qu'il avait fait, que les numéros sont masqués, qu'ils sont recherchés par la police. C'est bon, d'accord. Mais j'aurais dit ferme ta gueule. Ah, c'est bon, ça va 5 minutes. Bon, en tout cas, jeu des 5 mots, pas mal. En tout cas, avec la recette. Franchement, vous êtes dégueulasse. La recette, les 5 mots suivants qui sont. Au moment où il bouffe des chips, t'as le petit bouffe en pleine émission de radio, t'as mais n'importe quoi, c'est vraiment la base de l'animateur radio. Enfin, bref. Mais les gens ils le savent que comment je suis en fait. Non mais vas-y, bah, les 5 mots suivants qui étaient sex toys, poney, fellation, anatomie, trou de balle. Et bah voilà, tout est dit en tout cas, t'as réussi. Voilà. Et par contre, la prochaine fois, t'éviteras de dire le nom de la radio s'il te plaît. Bah ouais, t'auras des problèmes à cause de toi, là, merci. Hein. Ah bah ouais, enfin, il est marrant, lui. tu fais. Tu sais, ils s'en souvient plus. Non, bah non, mais des fois, ils le prennent mal et tout, dans la merde après. C'est comme Chantal. Hein ? C'est comme Chantal. Bah ouais, t'as mis ton doigt dans ton balle. Bon, reste avec nous, en tout cas, on est là jusqu'à 23h, bougez pas, on sait quoi dans quelques instants. Tiens, qu'est-ce qu'on peut se faire On va se faire quoi ? Un foie tox ? Non, non, non. Ah. Niveau son. Ah, niveau on son. Faire... ah, on sera cachemire. C'est toi, Ben, qui m'a demandé ce son-là, là. Ouais. Ah ouais. C'est quoi le son que tu passes à la radio, là ? Je l'ai envoyé, puis deux secondes après, il a mis un statut Facebook. C'est mon kiff du moment. Allez, bonne soirée à tout le monde, on est là jusqu'à 23h évidemment, c'est Alex Libre Antenne, merci de passer la soirée avec nous. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle ? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là ? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi ? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Allez, bonne soirée, le son de Cashmere à l'instant, on dirait hein, jusqu'à 23h, on est là, on lâche rien. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, sur Radio Mix Floor. Allez, merci de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, ce lundi soir évidemment, bonne soirée évidemment, bon courage à tous ceux qui partent travailler, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, on est là, on n'oublie pas ce soir à partir de 23h comme chaque lundi soir, Rapid Dance avec notre ami Willy qui est avec nous en train de s'installer en direct, il y a Ben qui est avec nous avant ça pour la libre antenne, avec Jojo qui est avec nous ce soir, voilà, très bon jeu des 5 mois, jeu des hôtels là, qu'on vient d'appeler en direct. Bon, en tout cas, t'as réussi à caler les 5 mots. C'était pas mal parce que c'était compliqué à balancer. Je le ferai plus. En tout cas, moi j'ai bien aimé le mec avec le poney quoi. Le poney, j'espère qu'il reste pas sur le parking. Non, rassurez-vous. On est là ensemble. Je vais faire le top ou flop en direct 22h31. Allez. C'est parti. T'as dit quoi? Vas-y. Ouais, vas-y. J'ai pas envie de le faire. Ça va, Ben? Ouais. Ben, t'es pas troublé avec là? Alors, lui, je l'encourage et tout. Et... De quoi tu l'encourages? Il m'envoie chier. De quoi tu encourages? Je dis bah oui, vas-y. Ah oui, j'aime bien ça en fait. Top ou flop? Le retour. Moi, j'ai mon avis clair là-dessus. Le retour de 50 loups demain sur TF1. Top ou flop, évidemment. Niveau audience, c'est bien parce qu'en fait, TF1, le problème, c'est les gens qui regardent le JT de 20h et qui regardent leur film à TF1. Ils laissent généralement la télé sur TF1. Et du coup, le seul problème, c'est que tout le monde regarde. Du coup, enfin, plus ou moins sur les audiences, ça marche. Apparemment, Jojo, il a des couilles. Apparemment, quoi? Jojo, il a des couilles. Pourquoi faire? Heureusement, encore, non? Parce qu'il a dit qu'il était sur Radio Mix Floor au jeu des 5 mots. Ah oui, c'est Nicolas Guidé. Ah, Nicolas, pardon. Pourquoi tu me dis ça? Ils sont d'un foot. Bah, je dis ce qu'on me dit. Sont d'un foot. Oui, merci Ben pour cette intervention. Les animateurs sont proches des auditeurs. Oui. Okay. Nicolas nous a enfin, pas trop proche, vu Jojo, mais bon, enfin. Mais laisse foutez-moi la paix, merde. T'as que te faire payer, oh, putain. Montre ta petite shot, là. Je suis fidèle. Je suis fidèle. À ta main droite. C'est ça. Je retiens ce que tu viens de dire. C'est pas moi, je le note. C'est tu viens de dire à ma bite. Je le note. Tu l'as dit en direct à 22h32 à ma bite. T'inquiète pas qu'il entend tout, lui. J'ai un casque. C'est ça. Je retiens. Saucisson. Ma bite, putain, putain, tu peux toujours. À ton snacky. Ouais, c'est ça, bah putain, pêche dans ta gueule. Le retour de 50 clous demain, toi flop d'après Ben. Pourquoi Ben? Parce que je le trouve pas du tout drôle. Ah bah c'est vrai que oui, pareil. Ouais, Cantelou, moi, bon, il me fait pas rire, mais du tout. C'est Cantelou avec qui? Avec non, mais avec mais il est tout seul avec Nikos, quoi. Avec Nikos. Ouais, bon, Nikos, il a. Bah moi, je préfère Cantelou tout seul qu'avec Nikos. Nikos, il se force à rire déjà. Ouais, mais c'est pas crédible. Ah, toi, tu en même temps, je me forcerai à rire aussi. Cantelou, oui, attention, hein, Cantelou. Voilà, c'est parce que là, c'est la télé. Mais pour avoir un spectacle de Cantelou, c'est pas pareil que au niveau de la télé. La télé, c'est nul. Et franchement. Moi je trouve les imitations, il lui fait mal. Bah ouais, ces imitations, elles sont pourries. T'es. C'est qui le jeune là qui passe en touche pas mon poste là, qui l'a fait plusieurs fois? C'est un jeune là qui fait des imitations là. Il est super bon aussi lui. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vois c'est qui tu parles, il est passé au Jamel Comedy Club et tout. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, très, bon, très bon animateur. Hein, bah non, si, c'est important. Mais quand Clou, moi je trouve qu'il est. Enfin, avoir son émission comme ça, moi je trouve que c'est pas. Non, mais il y a des gens qui aiment. Hein. Je veux dire, y a des, comme, c'est pas, comme dans c'est tous pas, les humoristes. Moi, hein. C'est pas pour moi que tu aimes. Tu regardes pas, c'est quand Clou, c'est parce que c'est. Je te dis, c'est une période de transition. Ils l'ont mis entre le JT et le film. Du coup, les gens sont déjà devant leur télé. Bah ouais, du coup, t'es ça. Un peu obligé de la regarder. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais c'est top. Pour moi, c'est top. Ouais, bon, après, tant mieux. C'est bien. Non, mais après, c'est bien. Non, c'est pourri. Non, c'est pourri. Non, mais bon, faut dire ce qui est. C'est pourri. Après, il devait faire son retour ce soir, mais bon, vu qu'il y a eu le foot à 20h35. Mais peut-être qu'ils ont peut-être changé le concept, on sait pas, il faut qu'on regarde. Non, c'est rien, t'es pas dedans, toi, Ben. Ça fait des années que c'est pareil, ça changera pas. Ta gueule, tu nous emmerdes, toi. C'est pourri, c'est tout. Tu pisses au chi, je chiche à la gueule. On va nous emmerder, ce type. Enfin, bref, on verra bien en tout cas, on suivra évidemment ça. Je mènerai mon enquête. Ah non, ben non, je serai ici. Bah, si, ça démarre à 20h. Ouais, c'est bon, je serai ici. Pour la première fois, attention. Les amis, évidemment, c'est pour les ménagères qui nous écoutent ce soir. Pour la première fois sur TF1, les Feux de l'Amour vont faire une pause du 20 octobre au 2 novembre ils pour les vacances fait. Scolaires. Non, ils n'ont jamais fait TF1, ils n'ont jamais fait une pause. C'est la première fois dans leur histoire qu'ils font une pause, c'est-à-dire qu'ils ne diffusent pas les épisodes du Feux de l'Amour du 20 octobre au 2 novembre pour les vacances scolaires pour placer d'autres films. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils n'expliquent pas pourquoi dans leur communiqué, mais en tout cas, c'est un fait. Et du coup, pendant 15 jours, pour les vacances scolaires, il ne va pas avoir les Feux de l'Amour sur TF1. C'est la première fois de l'histoire que TF1 font ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, top ou flop, moi j'ai top. Moi, top. Leur musique, John, pourquoi t'as bu tout le thé? C'est pas moi, c'est Brenda qui l'a pris. Non, bah, c'est bon, ça va 5 minutes, les conneries de France, les Américains, turluc là. Non, mais c'est bon, c'est toujours la même chose. Non, mais c'est vrai, ça pue la merde. Non, mais ça marche. C'est que les vieux qui regardent. Je sais, ma mère la regarde pareil. Bah, ma mère, elle regarde, quand elle regarde, je change la chaîne. Mais ça pue la merde. J'avoue que t'es dégueulasse. Je peux pas mater les feux de l'amour. Non, mais bon, arrête. Là, ils arrivent à plus belle la vie. Moi, j'en ai pas plus belle la vie. Ma mère aurait plus belle la vie aussi. C'est de la merde. Elle écoute la radio après, du coup. Ouais. Elle écoute la radio là. Elle écoute la radio. Dédicace à André. André, on vous fait des gros bisous. Non, c'est ce qu'elle fait ta mère du coup toute la journée. Planquer la télécommande, du coup. C'est un conseil qu'on lui donne pour pas que son fils. Bah non, mais après là, on a des feuilletons. Je veux dire, je pense que c'est pour essayer d'attirer un autre public. L'après-midi sur TF1. S'ils mettent des films qui sont vraiment intéressants, ça va attirer. Après, c'est vrai que je critique les feux d'amour, mais j'ai regardé les audiences, ça marche en fait, tout de ouf. Ah oui. Ouais, mais c'est les vieux qui regardent. Hein, c'est les vieux qui regardent. Alors, ils s'en foutent TF1 que ce soit des vieux ou des jeunes. Et clairement, les jeunes ils sont à l'école, donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent attirer une clientèle des ménagères, donc des gens, des vieux. De toute façon, les jeunes ils sont à l'école, donc qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Qu'est-ce qu'ils vont mettre des trucs pour les jeunes, gros? Ils sont à l'école. Tandis que là, ça va être pendant les vacances scolaires, ils vont mettre d'autres choses et je pense que ça va attirer. S'ils nous remettent. En plus, on va arriver dans la période de Noël, on va avoir beaucoup aussi, ça va encore s'arrêter. Je pense que l'idée, justement, c'est pendant les vacances scolaires qu'ils puissent mettre des films pour attirer des jeunes. Voilà. Et je pense que c'est un test. À mon avis, ça va être un test pour TF1. Et je pense que ça va finir les feux de l'amour là. Ça y est, je pense que ça va finir. Si, ils commencent à tous mourir un par un, c'est bon. Ça fait 10 ans qu'ils nous cassent les couilles. Ça fait pas 10 ans, hein, espèce de connard, ça fait plus de 40 ans que ça. Ça fait plus de 40 ans. Ils nous cassent les couilles. J'ai fait l'amour avec Gloire et Pâté au matin aussi. Gloire et Pâté et Beauté. Amour, Gloire et Beauté. Santa Barbara. C'est amour, Gloire et Pâté. Jamais rien compris. En fait, il y a un truc de mode dedans. Ma mère regarde ça aussi, gros. Amour, Gloire et Pâté, quoi. Ah ouais, c'était après Télématin. Télématin. Et ça cartonne aussi. Télématin, sur France 2 là. Ah oui, bah oui. Ça aussi, ça me fait. Bon, ma mère aime bien, mais moi ça me fait pas rire. Le vieux là, comment il s'appelle, il est connu comme le monde. Oui, mais bah, comment il s'appelle Je sais plus, mais. Merde, je regarde pas. Mais si, le vieux là, c'est son. Moi, tu me donnes un mot, c'est le matin. Je sais qu'il y a, regarde quand il y a Sophie, mais je m'en fous. Sophie d'avant. Ouais. Sophie d'avant. Elle est pas après elle. Très marrant. C'est nul, attends. Mais non, mais après, je pense que ça peut être sympa. Sur le truc quoi. Télématin. William, je sais pas quoi. C'est ça, William. William le marché. William, j'ai entendu une voix derrière qui va murmurer. C'est ça, ouais, William. Et lui, ça marche, mais moi il me fait pas rien. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Ouais, mais il est pas là pour faire rire. Hein. Il est là pour vendre. Voilà. Il est pas là pour vendre. Des fois, il fait des blagues. Je sais pas s'ils vendent vraiment. De quoi ils vendent? Bah, les trucs qui. On s'en fout. Tu confonds Télématin et t'as la chien toi. Oh merde. Quel abruti. Mais n'importe quoi s'ils vendent. Ils vendent quoi, ouais. Non, Télématin c'est quoi? C'est sans après ça, t'en t'es fin. Ah si, ça marche, Télématin, t'es trucs de ouf. Il y a des gens qui regardent pas, en fait. Mais non, mais Télématin, t'es con quoi? Télématin c'est pas TF1 qu'ils ont une boutique. C'est Télématin, en fait ils passent par les prestataires qui doivent avoir une reverse. Tu sais, par exemple, s'ils disent numéro, je sais pas comment ça marche Télématin, en fait, Télématin. La télé-achat, c'est des produits qu'ils vendent, mais c'est des produits qu'ils arrivent à avoir de partout. Ouais, voilà. Ils ont ouais, un numéro à appeler et voilà, tu commandes si t'as envie de commander. C'est Vlachère, hein, sur télé-achat, gros. Mais c'est pareil. Fois, mon père m'a demandé de commander un truc, gros, pour les machins. Putain, Vlachère, gros, télé-achat, gros, parce que t'en avais un offert. Putain, le prix, gros. Enfin, bref, mais... Le truc, ouais, c'est fait exprès. Quand ils te disent qu'il reste plus que 200 produits, c'est pour faire vendre. Ah bah oui, alors qu'il y en a il s'appelle William l'émergie. Ouais, voilà. Ah si c'est ça. Ça y est, l'autre il vient de se réveiller. On le savait, on l'a dit. Non, on a juste dit William. On n'a pas dit l'énergie. J'ai dit l'énergie. Non, non. Ah mais oui, je sais que c'est pour vendre. Mais par contre, moi je trouve le Télé-Shop plus commercial sur TF1 parce qu'il rigole plus et tout, tu vois. Que moi j'ai déjà regardé, c'est déjà vu sur Eurosport. Sur M6, Eurosport ça, et tout, ils vendent des. Enfin, Euronews et tout, ils vendent des. C'était des Télé-Shop mais c'est tout fait. Attends, les trucs de perso, moi je regarde ça, je me fais chier. Je regarde ça, je me fais chier. Bon, t'as des trucs intéressants. Après, tu découvres. En fait, moi c'est plus découvrir des nouveaux produits. Après, pas les acheter. Eh ben, rigole pas, c'est sur M6 que j'ai acheté le truc à. Pour muscler le ventre électrique de Charlie Lulu. Non, je te jure, c'est. Non, mais sur le machin, c'est là que j'ai acheté. Ah ouais. T'as acheté ça combien? 40 euros. Et c'est quoi, tu téléphones en fait? Parce que moi j'avais téléphoné. Ah, t'appelles et tu te dis voilà, il y a le code de promo, une machin là qu'ils nous disent, là, je veux commander ça et satisfait ou remboursé. Ouais. Moi j'ai pas été satisfait, j'étais remboursé. Ah ouais. Et t'as gardé la chose? Oui. J'avais dit que je l'avais rendu et puis voilà. Le voleur, l'escroc. Putain, il met des carottes à tout le monde. Carottes de TF1 quoi. Tant qu'il met pas de carottes dans le cul, ça me va. Bon, t'as entendu mon jeu de mots quoi. Il met des carottes à tout le monde. Non, je rigole. Top ou flop évidemment pour les feux de l'amour qui font une petite prise. Top. Bah, top, ouais. Top. Toi Ben, comme ça sera pas emmerdé, gros, il va pouvoir jouer à FIFA. Et attention, dernier top ou flop, le meilleur pâtissier revient sur M6. Oh merde, ben, flop. Top ou flop, le meilleur pâtissier. Moi je trouve perso que c'est toujours la même chose. Mais gros, c'est. c'est bon des bavarois. La télé-réalité, la bouffe, c'est toujours ce qui marche. Par contre, ouais, je sais pas si vous avez regardé, c'était sur MC, je crois, avec comment il s'appelle. C'était des pâtissiers mais comiques là, ils reviennent sur une nouvelle émission là, comment il s'appelle. Si c'est des comiques là, le mec il a même des cheveux en pétard et c'est un pâtissier, un cuisinier. Bah c'est merde, ils sont deux, c'est il deux. Passé à TPMP là, il y a pas longtemps. C'est deux, ouais, ils sont deux. En fait, c'est des comiques un peu, mais ils sont trop marrants. Ouais. Ils font de la. Mais la non, cuisine mais c'est, marrant. Ça revient pareil, c'est toujours la même chose. Meilleur pâtissier, meilleur boulanger, meilleur. Meilleur machin, non, on s'en fout. Il dit pas le macho, lui. Il va me sortir garder les gars de Malais, n'importe quoi. Non, mais merci, Willy, du Rapid Dance. Mais non, non, c'est pas eux. Attends, je vais plus savoir. Je vais savoir à faire de la bouffe, à faire de machin, on s'en fout. Enfin, moi, perso, je m'en fous. Quoi. Bah, ça marche apparemment. Oui, ça marche. Bah, par contre, un programme que j'aime bien par rapport à la cuisine, parce que ça change, pareil, c'est le cauchemar en cuisine. Non. Non, moi, j'aime bien, non, moi, ça me ferait. Parce que moi, j'ai regardé version States, moi, avec. Ouais, les States. Version States, il est. C'est plus gore, mais version. Ils ont repris des trucs, copié, les Américains, pour refaire en France. L'autre, il gueule, ouais, ok, il vient, et c'est un gros colosse qui gueule, machin, c'est cela, ok. Moi, c'est bien, c'est pas ouais, mais. Après, ça se voit que c'est surjoué le bordel, mais. Oui. Mais moi, je trouve ça change en fait. Même la télé-réalité des States, je la préfère que celle en France. Ouais, c'est Norbert. Norbert, c'est ça, merci en tout cas aux auditeurs qui réagissent en direct. Norbert, c'est ça, Norbert, ouais. Il était passé dans TPMP la semaine dernière. Lui, il est marrant, lui, tu vois, il fait de la cuisine, mais dans un délire, tu vois, et ça me fait rire. Bah, il fait de la cuisine avec de tout hein. Ouais, pourtant c'est un du pâté pour chat et tout, il fait non mais je te jure, il a même bouffé des trucs en direct hein. Non mais c'est pas des conneries, je veux dire. Il fait avec de la cuisine avec des cailloux et de la terre. Non mais n'importe quoi. Je fais la cuisine avec de l'herbe. Voilà, vous cuisinez de l'herbe aujourd'hui. Ben, l'herbe, c'est bon. Bon, en tout cas, merci de passer la soirée. Comment, avec ça dépend quelle herbe. On est là. Oh. On est là jusqu'à. Ta mère l'écoute, gros. Elle on est sait. Là jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous. On est là. Et on s'envoie la dernière bombe de Parakeet. Save me. On est là ensemble avec les Montaines. About to land. After years of joy. Life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground. Hard to walk again. Allez, la dernière bombe de Parakeet à l'instant en direct là, jusqu'à 23h, on bouge pas, c'est Alex Libre Antenne là. Du lundi au jeudi, 21h-23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Allez, merci de passer la soirée avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. Les bleus qui ont gagné là. Oui, ouais. les bleus ont gagné. Non, c'est moi qui ai l'info. But de qui? J'en ai rien à foutre. Voilà, Paul Pogba. Merci. Pogba, voilà, Pogba qui a marqué le but tout à l'heure. 1-0 évidemment pour la France. Ils ont gagné ce soir. Et t'as vu, t'as remarqué que Ben n'a même pas gueulé parce qu'on a même pas vu le match. Alors, ouais, voilà, et toi, les gars, finalement, il peut s'en passer du match. Non, je peux pas m'en passer. Je vais rentrer chez moi, je vais regarder en rediffusion. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Eh, bon, c'est ça. J'ai jamais compris les gens qui regardent en rediffusion des matchs de foot. Eh, moi je vais direct au but à 56 minutes, je vois moi. Bah non, tu regardes le match entier, tu regardes les joueurs comment ils jouent, si ça joue bien. Bah mais c'est pas marrant, si tu sais comment il va gagner. Bah, enfin, je m'en fous de ça, je regarde le jeu. Moi je regarde YouPorn. quelle catégorie Jojo? Hein? Bah je sais pas, je vais essayer de regarder. Gay Pride. Bah non, bah tu seras vraiment bien étonné, connard. Lesbi. Même pas. Non, je rigole. Voir chat en chaval. Il doit troller au moins 6 fois par jour, lui. Ouais. Bah, il fait ce qu'il veut. Bon, il y a les bah, blessures. Que... Ah, c'est lui qui dit ça, c'est l'hôpital qui fait. Ouais, alors, excuse-moi. Non. Excuse-moi, non. Le mec, non. Il dit ça, mais hein, t'as des cloques à tes mains, moi je n'ai pas. Hein. Bah, j'ai pas besoin, gros, j'ai une meuf à la bite en face. Ah, de ah, ah, elle s'est grillée toute seule, la merde. On t'a niqué. Ah là, t'as crié la Clara, alors que tu me dis au début de l'émission que t'étais pas mon. Non, c'est pas Clara, c'est son plan cul. Clara, elle habite à côté. Ouais, c'est mon plan cul. C'est son PC. Ouais, ouais. Elle habite en face de chez moi, quoi. Ouais. Vraiment c'est moche. Sa voisine. Elle s'appelle comment? Sa voisine, Marguerite. Non, je peux pas dire son prénom. Chantal. Je peux pas dire parce qu'elle Marguerite. Est connue. Marguerite. Elle est connue cette meuf, je peux pas dire son prénom. Elle est connue, ah bah, on la connaît pas, nous. Elle a un garage habite, la meuf. Elle habite où? Oh, je peux pas dire. Ouais, il habite où, lui? Pourquoi elle est connue? Je comprends pas qu'elle s'est fait retourner par tout le quartier. Presque. Ah ouais, c'est une salope en fait. Ah, ouais, une grosse salope. Oh non. Et là, tu vas attraper le sidol, il va jouer, il va arriver, il va chier. T'es fou quoi, je mets une capote. Ouais, bah ok, merci, ouais, mais ça le craque gros. Ah ouais, mais non, c'est ça qu'on a plus de capote à donner en cadeau, il a tout piqué. Ah non, je vais faire une capote à son anniversaire, c'est ça qui est. J'adore, parce que lui, il annonce en direct qu'il y a un plan cul, alors que ça, la meuf, il y a qui veut sortir les coudes quoi. Comment il va se faire cartonner? Elle s'est fait griller gros. La meuf, à qui tu veux sortir les coudes là? Bah ouais non. Attends, je vais essayer de le tourner autrement. Non mais tu sais des fois t'es pas encore avec. Tu sais donc pour un truc il s'éclate, il profite de son célibat, tu vois mais. Oh bah non mais je lui ai donné. À quel âge la meuf que tu baises? À 17. Ouais je sais qui tu. Oh c'est non. Pas ça le gros. Ouais. C'est pas ça. Avec les cernes. Ouais. Malik. Ouais. Non non bah non. Elle habite pas en face de chez moi. Ah non, elle habite à côté. C'est sa voisine. Salope. Non mais, non, mais ah ouais. Je te jure. Et ça fait combien de temps que tu as cette relation avec elle? Pour moi, 3 ans, 4 ans. Ah ouais? Wow, ah ouais. Tu spécieux de menteur. C'est elle que t'as pris sur la machine à laver? Ouais. Ah ouais? Pff, bah, okay. Franchement. Toi, t'as pas honte, toi. 3-4 ans, tu ouais. Ouais. Et 3-4 ans, espèce de menteur, t'as sorti avec une meuf, gros, pendant au moins 6 mois. Ça, tu la voyais encore? Bah ouais. Oh. Et là, okay, ça donne vachement envie de se mettre en couple avec lui. Il veut du sérieux. Ah ouais, non, il fait. Hashtag, elle vient quand ma princesse. Bah, quand t'auras une carotte dans le cul, connard. Oh merde. Ah ouais, d'accord, il est comme ça, Ben. Putain, on apprend. Mais tu vois, il se dévergonde de plus en plus. Hein. Ah ouais, truc de ouf. Hein. Hey. Ah ouais, comme ça. Au début, il était tout calme. Du coup, pour 3-4 ans, tu dois avoir des folies avec elle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, elle se déguise en infirmière, tu lui enfonces des gouttes dans le cul. Qu'est-ce qui se passe? Mais je dirais pas les détails non bah plus. Ah si, bah attends, pour remettre. Est-ce que tu la prends à quatre pattes? Bah oui. Dans le clic-clac. Hein? Dans le clic-clac. Tu la prends chez elle? Ouais, chez elle, ouais, quand son père il dort. surtout quand son père il est gauvais. Ouais, aussi, des fois. Ah ouais, quand son père il dort, tu vas chez elle la baiser. Ouais. Et sa mère? Elle a divorcé. Ouais. Ah, ouais, ouais. Tu m'étonnes, c'est une famille. En fait, la belle-mère de la meuf, c'est la mère de l'un de mes meilleurs potes. D'accord. Oh, mais quel salaud, lui. Emily, c'est et ton, plus en et fait, ton meilleur pote, il baise avec qui? Avec la meuf aussi? Non, bah non, lui, ça fait. Et tu vas danser qu'il baise avec ce merde. Non, ça fait longtemps qu'il est en couple, il fait rien. Ah ouais. Ah, il rien n'empêche, hein, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, d'accord. Et du coup, au bout de 3-4 ans, qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est toujours la même chose Bah, tu vas me faire croire qu'elle passe que par toi en son plan cul régulier. Elle passe par non, bah non, elle passe non, bah elle se met en couple et tout, des fois, mais. Si j'ai envie de. Gros, ça a une réputation de salope aussi, gros. Si j'ai envie de la niquer, je vais. Ah, physiquement, elle est mignonne ou pas? Elle est sympa ouais, ou pas ouais. Tu l'as dans ton Facebook? Non, je l'ai pas dans mon Facebook, elle m'a bloqué. Ah, mais pourquoi? Je lui parle par Snap et par. Pourquoi SMS. Elle t'a bloqué? Hein? Ah, pour faire style. Non, ouais. Parce que je lui ai fait une sale réputation sur Facebook. Ah, mais. Et tu la baises encore? Ouais. Quel enculé ce mec. Ah, pourquoi tu l'as affiché? Parce qu'elle a pas envie de sucer la table, quoi. Non, non. Vous l'avez vu l'histoire en plus, je m'avais mis en couple avec. Bah, ça remonte à quand ça? Ça remonte au mois de juin peut-être. Bon non, au mois de juin je fais pas attention, toi tout ce qui se attends, passe. Attends, viens, je remonte sur la file d'actualité. Ouais, voir. Ah, bordel, t'en as du coup. Mais des statuts de merde, like et je te l'entends privé. Oui. Alors ça, c'est du Benfica. Ouais. Non, coup, non, je l'ai jamais fait celui-là. Oh, attention, gros, c'est des trucs de merde que tu mets, gros, sur Facebook. Qu'est-ce que je vais faire attention à tes statuts? T'en mets 15 par jour. Ah bah écoute. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es mis en couple avec alors? Et en on a dit c'était une salope, du coup t'as dit ouais, pute, et puis tu lâches. Ouais, voilà, en fait, tout le monde s'est foutu de ma gueule à me dire ouais, c'est ton plan cul, pourquoi tu te mets en couple avec, nanana. Et du coup, ah, peut-être, c'est pas faux. Du coup, je l'ai jarté. Ah ouais, je me doute, ouais. Bah, tu m'étonnes. T'as le meuf, c'est une garage à bite, quoi. Mais ouais, en deux jours, quand j'étais avec, en deux jours, tu l'as baisé au moins 10 fois. Ah ouais, c'est une nymphomane. Ah ouais, carrément. Ah ouais. C'est elle qui me chauffait et tout. Ah mais c'est vrai, non, bah rigole pas, parce que moi j'ai un pote. Il y a des nymphomanes. Ouais. J'ai un pote, ouais, il sortait avec une nymphomane, gros, il l'a quitté parce qu'elle voulait trop baiser, gros. C'est ce truc de ouf, hein, gros. Ouais. Et en fait, genre, il a baisé genre 10 fois par jour. Il devait avoir mal aux couilles. Bah non, mais sérieusement. Mais après, vrai, c'était, hein, même plus la relation sexuelle que t'as. Machin, c'est que. Ah, Willy, vous voulez peut-être réagir par rapport à. je vois Willy, il fait un signe. Bonsoir, Willy. Quand on parle de couilles et de bites, du coup, Willy il se réveille. Avec ça, vas-y, prends ton micro. Je vous laisse dans votre conversation. Ah, vas-y, pas de problème. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais non, mais après, c'est une maladie, ouais, d'informatique. Non, mais franchement, pour ceux qui savent pas ce que c'est d'informatique, c'est qu'une meuf, elle a besoin de bites, elle a besoin de cul, elle a besoin de sexe. Non, mais c'est affreux. Hein. Et malheureusement, pour elle-même, elle, ça le fait chier parce que c'est une maladie en fait. Ça le. Ah oui, ça le soigne. Hein. Mais quand t'es le gars, c'est affreux. Hein? Quand t'es le gars, c'est affreux. Ah ouais, là, malheureusement, quand tu sors avec une infomane, il faut que t'assures derrière. Quand tu le fais trois fois d'affilée. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah ouais, et puis si du coup ouais, moi j'aurais toujours peur qu'elle va voir ailleurs Ouais, mais ça c'est, ouais, c'est maladif et ça se soigne, hein. Ouais. Moi j'avais eu des une amie qui était nymphomane et qui se cachait pas, et du coup en fait ouais, je peux la garder ou pas? non. Bah si, attends. Mais elle est à Dunkerque. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais ouais, non, après nymphomane, c'est une maladie, et c'est vrai qu'il faut assurer parce que dis pas. Et du coup mon pote il l'a quitté au bout de 2 ans parce que justement elle avait besoin de trop de cul, quoi, et il pouvait plus assurer, quoi. Il me dit, moi en fait je rentrais du boulot à 6h, il me dit t'es v'là crevé, et puis là la meuf direct. Bah c'est comme Alison, hein, l'animatrice d'ici, c'est une nymphomane, hein. N'importe quoi. Si, c'est une nymphomane. Si, ouais, si, elle doit aimer le sexe. Si, elle veut de la bite. Elle veut de la bite, arrête. Ah, elle écoute la radio, bah dédicace à elle en tout cas. Non, je crois pas qu'elle écoute. Non, je crois pas qu'elle écoute. En train de se faire baiser, là. Je vais baiser, salope. Attends. T'as me faire baiser. J'ai encore mieux comme son. Non, mais clairement, après, je sais pas. Willy, est-ce qu'il est déjà tombé sur quelqu'un qui est nymphomane, par exemple, Willy? Allume ton micro là, pour qu'on t'entende en direct là. Ah mais ton micro il est pas allumé, je pense, sur ta tranche, voilà. Voilà. Voilà. C'est bon. Ouais, ouais, on t'entend. On t'entend. Non, j'ai pas eu cette chance. Non, c'est pas une chance. Crois-moi, c'est pas une chance. Non, mais c'est vrai, 10 fois par jour, il faut assurer, hein, surtout à. Enfin, j'allais dire à l'âge que toi, mais. Non, mais. Ouais, il a que 20 ans. Non, mais à 18 ans, quand même, 10 fois par jour, ça va. Hein, non, t'es fou. 10 fois par jour, t'es malade, fou. Toi, ouais, c'est bon. Moi, 2 fois, 3 fois par jour. T'as la peau des couilles collées, hein. C'est un truc de ouf. Il sait de quoi il parle. Mais Moi, je suis déjà tombé sur une femme fontaine, par contre. C'est ça, c'est mortel. Ça, c'est mortel. Et ben, crois-moi, quand j'ai eu le jet dans la gueule, ça m'a fait peur. Bah justement, moi je suis déjà tombé sur une meuf comme ça et je m'amusais à la faire des jets. Le jus dans la gueule. Parce que j'imagine bien Jojo en train de faire. Et j'imagine bien en train de faire un cuny à la meuf avec la meuf à lui cracher en pleine gueule. J'imagine bien la tête de Jojo en direct. Ah, non mais je te jure, j'étais choqué. Ah, mais quoi? Tu me pisses dessus. Ah, je te jure, en plus j'avais la bouche ouverte. C'est n'importe quoi. Pourtant, c'est excitant, hein, finalement. C'est un goût. Comment tu sais? Comment tu sais? Non, c'est un goût salé. Ouais, c'est un goût, c'est un goût amer, quoi. C'est un goût de moule. C'est vrai, ouais, que c'est un goût salé. Ouais. Quand tu fais des cuillers, c'est un goût salé. Ouais. Par contre, je sais même pas c'est quoi la goût. Après non, mais... ça peut être un autre goût si la demoiselle elle se lave pas correctement, c'est clair. J'ai mal bordel. Non mais. Je participe comme je peux. Hein. J'ai mal. J'en peux plus, j'ai mal. Ah, j'ai mal, bordel. Ah, mais j'ai mal. Attends. Non, mais. Je m'en peux plus. Allez, à demain. Je reviens demain. Ah, j'ai mal, arrête. Non, mais encore, j'ai pas goûté le goût de sperme d'un mec. Je sais pas quel goût ça. Je vais te faire goûter après. Oh, putain, j'en chiale, le bordel. Ah, je l'ai mal à bon, alors, on retrouvera Pit Dance avec Willy comme chaque mardi. Ah ouais. Comme chaque mardi. Putain, j'en perds mes mots. Vous aussi, dites-nous si vous avez déjà eu une femme pour quel goût. Sur la page de la et on vous appellera demain. Attends, je vais réussir. Vous êtes bien en direct, évidemment, un gros fou rire. Ah, ça se passe comme ça là, chaque jour. Non, merde. Chaque soir. Non, mais tu devrais nous dire les gens, les appels. Joe arrête plus du tout à en sortir. Non, mais là, c'est impossible. Donc, oui, t'es jamais tombé sur une femme fontaine. Il relance le truc, quoi. Ah, oui. Il t'a dit oui, ça avait un goût salé. Là, t'es déjà tombé sur une femme fontaine ou pas du tout? Bah, qui c'est qui a lancé la première discussion? C'est Jo. C'est Jojo. Ouais, c'est Jojo la femme fontaine. Non, mais t'es déjà tombé sur quelqu'un? Non, jamais. Ah, non, jamais. Bah, comment tu connais le goût? Ouais, comment tu connais le goût? Bah, parce que la plupart du temps, ça a un petit goût salé. Ah, tout ouais. À fait. Moi, je m'en rappelle plus, ça me. Non, si, c'est vrai, ça. Hein? C'est vrai, bah mais toi tu t'en rappelles plus. Mais non, mais si c'est vrai, ouais. Mais je sais pas quel goût par contre ça le. Non, mais c'est vrai, on parle de ça, mais je sais pas quel goût ça a le sperme de. C'est amer. Alors là, il faut demander aux filles. Oh merde. Non, attends. Ouais, il faut demander aux filles, mais là c'est vrai que. Je pense que ce sera le prochain défi pour vous. Ah bon, non, non, non. Oui, on se calme. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Ça doit piquer moins que la moutarde. Ah ouais, c'est sûr. On se quitte là-dessus. Putain, j'avais préparé l'info gaming. Ah, l'info gaming. Oh merde, bah, attends, Biffy, il nous reste 3 minutes là. On l'a oublié. Ah ouais, non, mais putain, je l'ai oublié les trucs moi. J'ai regardé ma fiche en plus, j'ai oublié. Bah, vas-y, l'info gaming tout de suite, on t'écoute en direct. Il y aura. Je vous rappelais, je vous ai parlé du PlayStation VR. Ouais. Virtualité. C'est ça? Ouais, normalement, ouais, c'est ça. Virtualité. Virtualité. Bah, en gros, c'est, tu vois, tu es dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est les lunettes, là. Ouais. 3D. À sa sortie, il y aura 63 jeux disponibles. Ah ouais, quand même. Compatible avec le PlayStation. Pour l'instant, ouais. Pour ça l'instant. Va se développer, ça, ouais. Ouais. Je pense que ça va se développer et je pense qu'au bout d'un certain temps, on sera obligé d'acheter le PlayStation VR pour jouer. Voilà. Bah voilà, tout est dit en tout cas en direct évidemment. C'était tout l'info gaming. Oui. Non, vas-y, il y a pas ça. Vas-y. Je vais parler de Gears of War 4 qui sortira d'ailleurs le 11 octobre. Ouais. Donc c'est-à-dire demain, qui sortira sur PC et Xbox One et un film est en cours de production pour ce jeu. Un film comme World of Warcraft ou des choses comme ça quoi. Ah ouais, bien. Ah ouais, pas mal, ouais. Bon, j'adore Ben, hein, comment il est sérieux après une discussion. On parle de femme fontaine à un jeu vidéo. Ah, mais moi, quand il s'agit des jeux vidéo, je suis sérieux. C'est tout l'amour de cette émission, en tout cas. C'est tout. Et je vais parler d'un truc, moi, qui m'a spécialement choqué. L'État, l'État des États-Unis, quoi, menace de poursuivre Valve. Valve, c'est... On parle de femme fontaine et maintenant on parle de Valve. Mais bon, enfin bref. Coupe son micro, comme ah, ça va aller. Et donc L'État poursuit Valve en justice pour un trafic d'armes. Mais en fait, c'est un trafic d'armes, c'est. Le trafic d'armes de Valve, c'est pour un jeu Counter-Strike Global Offensive. Les gens, ils achètent des skins d'armes, genre des armes améliorées en fait. Ouais. Et en fait, il y a des armes qui coûtent 2 000 €, 4 000 € et tout ça. Et du coup, l'État veut poursuivre Valve en justice pour ça, pour le prix trop cher. Ah ouais, du truc, quoi. Ouais. Ouais, bah en même temps, ça se comprend aussi. Ça me fallait comprendre un petit peu. Bah écoute, moi j'ai joué à ce jeu, justement pas, j'ai cramé plus de 200 € dans les armes, quoi. Ah ouais? Ah ouais. T'as mis 200 €? 200 balles. De l'argent perso? Non, bah c'est là, en fait, c'est pas de l'argent perso. Ah c'est ouais, c'est que. L'argent que tu gagnes dans le bordel? C'est là, ouais, moi je me crédit. Parce qu'en fait, quand tu joues, à la fin de partie. T'as une chance sur 10 de gagner un skin d'arme. Ah d'accord, ouais. Et en fait, une fois, je suis tombé... Ouais, donc c'est pas de l'argent réel, en fait, finalement. Bah, tu peux le transformer en argent réel. Ah ouais. Une fois, je suis tombé sur un skin d'arme. Ouais, donc t'avais fait une cagnotte, toi. Bah, en fait, le skin d'arme, je l'ai vendu 300 €. Ah ouais, pas mal. Et du coup, après, j'ai cramé 200 balles dans les skins d'armes, quoi, les plus beaux skins d'armes. Okay. Et les 100 balles, je les ai gardées, j'ai acheté des trucs sur Amazon. Ça marche, ouais, pas mal finalement, tu vois, en jouant en jeu vidéo. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé la soirée. C'est tout pour les infos gaming. Et bah, merci en tout cas pour les infos gaming, évidemment. Retour de la Libre Antenne dès demain entre 21h et 23h. Mais avant ça, on retrouve comme chaque lundi l'émission numéro 1 sur Radio Mixfloor pour faire la teuf, même après le week-end. C'est lundi soir, évidemment, pour ceux qui reprennent que le boulot dès demain. Et bah, c'est l'occasion d'écouter chaque lundi soir, 23h minuit, Rapid Dance avec notre ami Willy, qu'on retrouve avec de la nouveauté ce soir. Oui, pas mal de nouveautés. D'ailleurs, on va démarrer. Ah, faut le savoir qu'on est une des seules web radios en France à jouer les nouveautés que tu as jouées ce soir. Si tout j'ai à fait, les nouveautés qui sont bien souvent signées deux mois après. Et ben voilà, en gros, les nouveautés que vous entendez ce soir dans Rapid Dance, c'est ça, c'est pas des conneries. Et ben vous les entendez peut-être un ou deux mois après dans les radios. Il m'a fait découvrir un son cet été que je viens juste de passer. Que je viens juste regarder ce son-là par exemple. Ben, j'avais déjà entendu il y a 3 mois. Grâce à Willy. Donc voilà, en tout cas, c'est grâce à lui. Bah, en tout cas, c'est l'émission référence à écouter Rapid Dance 23h minuit comme chaque lundi. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, bonne nuit. On se rejoint dès demain à partir de 21h15 comme chaque mardi évidemment jusqu'à 23h. Mais avant ça, il y a Roll Before avec Kev et puis on trouvera évidemment le petit replay, évidemment les petits meilleurs best-of de l'émission pendant un quart d'heure avec Kev demain. On retrouvera notamment le pervers aussi avec le pervers. Si vous avez l'occasion d'écouter le pervers avec Ben qui s'est incrusté avec le pervers. Oui. J'étais là. Et ben pour ceux qui l'ont pas entendu, ça sera demain entre 21h et 21h15, j'étais juste avant Libre Antenne. Ah bah ça exactement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, passez une très très bonne soirée tout le monde. On se rejoint dès demain 21h 23h dans Libre Antenne. Ciao ciao. À demain. Ciao. On se retrouve demain. Ah t'es là demain. Salut Ben. Salut. Ciao salut, et tout de suite. C'est Rapid Dance en direct évidemment. Passez une très bonne soirée tout le monde et à demain. Ciao. C'est la Libre Antenne d'Alex. Reviens demain à 21h. Reviens demain à 21h. Sur Radio Mixfloor, Radio Mixfloor, Radio Mixfloor. Mix live. Mix live. Rapid Dance. Eh bien voilà, on est parti pour une heure de mix, donc installez-vous confortablement chez vous. C'est parti, les nouveautés du moment, les nouveautés qui marcheront dans 3 mois, c'est l'émission Rapid Dance. C'est tous les lundis de 23h à minuit et c'est sur Radio Mixfloor. On y va tout de suite avec le tout nouveau Super Funk, découverte Rapid Dance. Ça y est, la signature, c'est bon pour la France, pour ce titre. Allez, on y va, c'est parti, Deep pour démarrer. samedi, Rapid Dance, 23h minuit avec Willy. Avant les autres, avant les autres. Please don't let me go, I've been alone. For so long, searching for you night and day. For so long, pleasure has gone. For so long, been thinking of you on my way. I don't know what's going on. How do you feel right back inside? 'Cause in my mind I feel so bad. Don't wanna lie, I'm so in love. And I just cry, yes I cry for your love. Right on, please don't let me go. I've been alone. Don't wanna see other boys in town. Just give me love and just ride on, ride on. I said ride on. Radio Mixplore. Rapide.